Bon allez, donc bienvenue dans notre nouvel épisode de Podcorn. Aujourd'hui, on va pas parler de films de virus, mais de dystopie. Vu que c'est le dernier podcast en un petit moment, on va essayer d'en profiter. Aujourd'hui, il y a Émilie. Bonjour. Walid. Bonjour. Héloïse. Salut tout le monde. Julien. Salut. Et Raph. Le fameux retour de Julien. Le retour de Julien, c'est vrai. Ah ouais. Voilà, bon par contre, si vous vouliez bien parler un peu plus dans les micros, ce serait quand même pas mal. Bonjour. Salut. Putain, voilà, ça va falloir encore péter l'audimat. Dernier podcast avant la fin du monde. Vous êtes chaud. Bah, toi, t'es toujours chaud a priori, mon petit Raphaël. Je vais essayer de remettre un peu de finesse, hein, parce que bon. Ah, ça manque de brut, on hein. Peut ouais, non, justement. Rajoute rien, s'il te plaît. Donc, bon, on va commencer par la petite question habituelle. C'est quoi pour vous une dystopie? C'est la merde. Pas la question de con. Hein. C'est l'inverse d'une utopie. Ouais, c'est l'utopie qui tourne mal. Ouais, mais il y a une utopie qui tourne mal. Ouais. Du coup, comment on l'écrit, dystopie? Avec comme ça se prononce. Voilà. Avec AY, tu dis pas où, c'est pareil. C'est tout. Un peu d'étymologie, quand même. Voilà. Ouais. Bah alors, ça veut dire quoi? Vas-y, si tu veux de l'étymologie, je t'écoute. Allez, prends ça dans ta tombe. Allez. Ah non, mais il faut y aller jusqu'au bout. Hein. Ça vient du grec, du latinos grec, germano... 10... 10. Qui vient de 10. Bon, bref. Le contraire de. Donc, on va commencer tout de suite par monsieur Raphaël qui est pressé apparemment de repartir. Ah ouais, je me marre de voir vos gueules. C'est vite d'arriver. De toute façon, il peut pas partir tant qu'on va pas finir. Bienvenue. Bon, si, s'il veut se barrer, qu'il se barre, écoute. Hein. Bon, alors, de quoi tu veux nous parler, Raphaël? Alors, moi, je vais vous parler ce mois-ci. D'encore un chef-d'œuvre. D'un de mes films préférés. Et un monument de la science-fiction. Et de la dystopie, donc. Et de la dystopie, et bien qu'on a évidemment. Tous vu. Et que vous avez tous vu, j'espère. Sinon, moi je l'ai, mais j'ai toujours pas vu depuis 10 ans. C'est honteux. Bien ça évidemment, je vais vous parler de Brésil, de Terry Gilliam. Alors, Brésil, sorti en 1985, et donc un film de Terry Gilliam, ancien Monty Python, réalisateur connu pour plein de films, notamment pour L'Armée des Douze Singes, Las Vegas Parano. Et on peut citer L'Imaginarium du Docteur Parnassus, dernier film de Heath Ledger, avant sa mort. C'était utile de préciser. Bah, c'est utile, oui, parce que c'est un film qui a du coup dû être refait parce qu'il est mort pendant le oui, tournage. Oui, oui. Et du coup, il y a Johnny Depp, Colin Farrell, non, Colin Farrell et Jude Law qui le remplace. Il a modifié complètement le scénario du c'était film. C'était pas bête, ça marchait bien. Et quoi. C'était très intelligent même, et c'est du coup très intéressant, il y a un casting de taré du coup. Mais ça vaut le coup d'être mentionné quand même. Donc sorti en 85 avec un acteur principal Jonathan Pryce qui joue dans pas mal de films mais qui est connu plutôt récemment en fait pour jouer le gouverneur Swan dans la saga Pirates des Caraïbes. Ça m'a trouvé le cul quand j'ai vu que c'était lui. Il a grossi entre ouais, les... bah il a grossi la vie, tu m'étonnes. Mais il y a notamment, par contre, ça sera peut-être plus parlant, Robert De Niro, Bob Hoskins, dont on a parlé le mois dernier dans Roger Rabbit, et Ian Holm, qui joue Bilbon dans la saga du Seigneur des Anneaux. Et voilà. Alors, de quoi ça parle, donc, dans ce thème de dystopie, donc... Brésil, donc titre qui est en fait d'après la chanson principale du film. Donc c'est dans un monde futuriste où tout est automatisé et robotisé. La vie des gens est rangée, cadrée et se résume plus ou moins au travail et à la discipline. Et tout est contrôlé par le ministère de l'information, une gigantesque administration qui détient les pleins pouvoirs au détriment des droits humains. Et dans cet univers, donc qui n'est pas nécessairement le nôtre, on n'en sait pas plus, quoi. C'est pas forcément le futur de notre monde, mais c'est peut-être une réalité parallèle, peu importe. Donc Sam Lowry, donc incarné par Jonathan Pryce, est un modeste employé des archives du ministère de l'Information. Et toutes les nuits, il s'évade dans ses rêves où il se voit comme un guerrier ailé, un héros en armure avec une épée qui survole une ville imaginaire un peu cauchemardesque, et où il va sauver une demoiselle en détresse, blonde, dans une robe blanche, tout ça. Un jour, dans le vrai monde, il voit la fille de ses rêves, qu'il connaît pas, dont il rêve toutes les nuits, mais dont il ne sait rien, et après une course-poursuite, elle lui échappe, et il décide d'accepter une promotion qu'il refuse depuis longtemps au ministère pour pouvoir accéder à un nouveau service qui lui permet d'atteindre un nouveau niveau de sécurité et donc d'accès à l'information sur la population et pour retrouver cette fille. Et en parallèle, il y a dans ce monde des terroristes qui font exploser des bombes un peu partout pour lutter contre le Big Brother de ce monde. Voilà, ça c'est le pitch. Et du coup, on pourrait dire que c'est une adaptation de 1984 un peu, non ? Bah oui, c'est à peu près cette histoire-là. Ouais. On revient souvent à ça dans les dystopies. Le ministère de l'information, le petit fonctionnaire qui essaie d'aller contre la... Pas contre sa nature, mais contre sa fonction plutôt. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai à dire ce film ? Moi je l'adore. Je l'adore. C'est un film avec une esthétique géniale, qui a un travail sur les décors, sur la lumière, sur l'accessorisation qui est dingue. Il n'y a pas un plan sans des tonnes de détails, d'objets et tout. C'est un monde qui est tout en contraste, où c'est en même temps dans le futur, donc comme j'ai dit, tout est automatisé, robotisé, mais en même temps tous les accessoires sont vieux, c'est-à-dire. Par exemple, les claviers des ordi, c'est les claviers de machines à écrire, il y a plein de tuyaux, de vieilles machineries, mais en même temps, ça reste le futur, c'est un futur ancien, c'est un peu steampunk en fait, comme univers. Donc très belle lumière, c'est inspiré, Terry Gilliam comme Tim Burton, ils sont inspirés tous les deux de l'expressionnisme allemand, alors c'est beaucoup de travail sur le clair-obscur, sur les ombres, sur les échelles, sur la perspective inversée et changée, tout ça, ça donne des ambiances assez inquiétantes, malaisantes. Et en même temps, c'est réalisé donc par Gilliam, qui est un ancien Monty Python. Mais, et du coup, c'est très drôle, c'est bourré d'humour anglais, absurde, grotesque, des scènes improbables. C'est l'image des Monty Python, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même très amusant, bourré de personnages, assez incroyable, c'est des hurluberlus, facile à dire. Ah, redis-le, vas-y. Hurluberlus. Et ça a notamment été nommé aux Oscars de 86 pour la direction artistique et le scénario. Bon, ils n'ont pas eu de prix. Ça, tu peut-être, m'étonnes. Ça a peut-être mérité, mais... elle a pas aimé. Oh, la violence. C'est un véritable... T'as un travail de dingue qui est fait. Donc, je pense que ce n'est pas comparable avec d'autres films au niveau, en tout cas, du visuel. Et assez fou, en fait. C'est assez long, ça dure 2h20. C'est un genre de film qu'on regarde plusieurs fois avant de tout piger. Et bon, on découvre beaucoup de détails à chaque fois. On le regarde en plusieurs fois, tu veux dire. Si tu veux, moi j'adore, peut-être tu l'as jamais vu. Ah non, j'arrive pas à regarder. Donc t'as rien à dire. la démocratie. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Pour moi, c'est un énorme classique de la science-fiction. Hein. Ça revient à voir Robocop ou Star Wars. Quoi. C'est indispensable à être vu. C'est indispensable à être vu, ce qui n'était pas le cas de Flubber le mois dernier. Madame, je l'ai dit. Et je le conseillerais volontiers à tout le monde. Voilà. Public de geek, merci. Au mois prochain. Bravo, Rav. Ouais, c'est pas les alcooliques anonymes, mon Dieu, l'applaudissez-toi. Attends, on n'a pas fait la petite prière avant de commencer. Bon, mais et qui d'autre a vu ce chef-d'œuvre alors ? Héloïse et moi, on l'a vu. En deux fois. C'est pas ah oui, non, c'est non, non, c'est pas ça. Deux heures vingt, c'est qu'on travaille, c'était dans la semaine. Non, mais même, je me suis dit, attends, déjà, il y a un premier morceau à assimiler, on va attendre pour la suite parce que ça commence à être compliqué. C'est très compliqué. Il y a énormément le seul plaisir que j'ai eu dans ce film, c'est de retrouver le docteur Mario dans un presque vrai rôle de plombier. C'est vrai. Merde, là ça y est, tu me l'as vendu. Ça, c'est le film préféré d'Olivier. Non, il y a Mario qui fait le plombier, moi c'est bon, c'est cool. Non, mais j'ai bien aimé les effets spéciaux. Quand il y avait le samouraï qui s'était bien fait. C'était pas mal. Et ça me faisait penser, je dis pas c'est calé, mais un peu les chevaliers du Zodiac avec l'armure qui vole. Ouais, mais c'est vrai, ça inspire un peu jeux vidéo, un peu manga de l'époque en plus, hein, 85, ça fout. Ouais, voilà, moi j'ai bien aimé. Ouais. Je l'ai vu petit, j'ai rien compris. Ouais, il passait à la télé. La première fois que j'ai vu, j'ai rien pigé non plus, voilà. C'est que j'ai dû le revoir. Mais après, il faut le revoir avec. T'es complètement mazo pour l'avoir revu 10 fois. Parce qu'il y a énormément de choses intéressantes, mais c'est clair. Il y a des détails. C'est énormément. Moi, je trouve que c'est ça le problème, c'est que ça m'a perdu. Il y en a trop. Il y en a beaucoup, mais ça c'est Terry Gilliam, c'est un mec, il est assez barré, hein, tous ses films sont complètement jetés. Ouais, tu regardes Par la Suisse, il est complètement barré, le Baron Munchausen c'est complètement fou, même l'Armée des Douze Singes, qui est pourtant un des plus faciles, il est pas si accessible. Parce que visuellement, l'Armée des Douze Singes est accessible, visuellement, parce que Munchausen, c'est pas les Douze Singes. Il y a des détails. Mais Terry Gilliam, à la base, c'est un mec des effets spéciaux. Dans les Monty Python, c'est lui qui faisait tout ça. Il faisait les maquettes, qui faisait les effets spéciaux, justement. Donc, ça se ressent dans sa réalisation. Il en met des tonnes. Bah. Mais ça donne une esthétique qui est intéressante et qui, pour le coup, qui ressemble à aucune autre. Quoi. Pour le coup, tu reconnais direct ses films, en fait. Quoi, oui, parce qu'il n'y a que lui pour faire un truc aussi barré. C'est un film barré. C'est un vrai film barré, en fait. Mais barré, mais pas barré crade comme des, certains films coréens, des trucs un peu jetés. Les films de Takashi Miike. Ouais, Takashi Miike ou Park Chan-wook, des fois il a fait des trucs un peu taré, tu vois. Mais là, c'est du barré différent, quoi. C'est poétique. À l'anglais. Ça, c'est très poétique, voilà. Et puis c'est très drôle aussi, c'est quand même très, très marrant. Ouais, ça, l'humour anglais, après, ça reste objectif. J'adore. Beaucoup. T'aimais bien Benny Hill, toi, quand t'étais petit? Non, j'aime pas Benny Hill. Ah merde. J'aime pas Benny Hill. Non, j'adore Benny Hill. Moi, j'aimais bien Benny Hill aussi. J'adore Benny Hill. On trouve le point commun avec le Brésil. Si t'aimes Benny Hill, t'aimes pas Brésil. Voilà, vous avez pas vu. Les autres, vous avez pas fait votre travail. J'ai jamais réussi à regarder jusqu'au bout. Pourtant là, j'étais. Ah, ouais, mais non. Ça l'a toujours passé. Il y en a deux qu'on n'a pas pu voir. On n'a pas pu voir Seven Sisters et Metropolis non plus. Metropolis, je l'ai pas. Seven Sisters, on l'a, mais on n'a pas vu. On n'a pas le temps. C'est pas l'original, mais je l'ai vu aussi. Non mais de toute façon ça se voit là, d'ici je vois qu'il est encore sous blister. Bah oui, il a pas bougé de sa place. Bah Brésil aussi, ça fait 10 ans qu'il est sous blister. Il est grillé par le plastique de l'emballage. Brésil, ça fait 10 ans qu'il est sous blister, il a pas bougé. Bah nous on l'a vu sur Amazon Prime. Il prend pas la poussière. Il est sur Amazon Prime. C'est vrai, il prend pas la poussière. Merci Julien. Non, je t'en prie. Ah oui, ce sera pour une pièce de collection. La pièce sous blister, on sait qu'on l'a pas vu. Voilà, j'oublie pas. Voilà. The rules of the game are laid down. We all have to play by them. Look at you, Sam. Whatever happened to you? An empty desk is an efficient desk. Let a friend tell you. Your life is going wrong. Now shape up! Do cooperate. Think of your mother. Has anybody seen Sam Lowry? Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility. You'll never get anywhere in a suit like that. Yes, yes, yes. Sam, what are we going to do with you? You must have hopes, wishes, dreams. No, nothing. Not even dreams. Oh, I don't know. I don't know what I want. You won't believe this. I know it's going to sound incredible, but I've been dreaming about you. I mean, I love you. In my dreams, I love you. Until this all blows over, just stay away from me. Bon, ok, bon. Presque vendu Brésil, je resterai pour la peine. Puis là, ouais. Pour le coup, le docteur Mario Mario va littéralement se retrouver dans la merde. Ah, t'as quand même un souhait, c'est vrai. Bien vu. C'est vendeur, ça, tu vois. T'as quand même beaucoup de choses, quoi. T'as le casting, t'as tous les effets, les décors, mais c'est vrai que c'est difficile. Juste la fin, elle est un peu... Là, ouais. Alors, on va pas spoiler, mais la fin... Je pas la fin, mais je me souvenais plus que c'était comme ça, j'étais blasé. Ah oui, donc c'est une fin de 1984, vraiment. C'est... Atlas sur ta fin. Ah oui, ça se passe quand, déjà? Atlas sur ta fin. On va rien dire, mais Atlas sur ta fin. C'est de 85, d'accord. Mais ça se passe quand? Ah non, on sait pas. Ils le disent pas. Il n'y a pas d'informations sur si c'est notre monde, si c'est une année, il n'y a rien du tout. C'est d'ailleurs ce qui est troublant d'ailleurs, parce qu'en même temps, c'est moderne et vieux à la fois. Il y a une notion de temps ou pas dedans? Non. De temps qui passe peut-être. De temps qui passe, limite, oui, non? Pas vraiment, en plus, on sait pas vraiment la durée, on sait juste que ça fait 13 ans qu'il y a le conflit avec les terroristes, mais on sait pas vraiment plus. En plus, comme il y a toujours, ça alterne avec des parties de rêve, des parties de réalité, mais même la réalité est tellement barrée qu'on ne dirait pas qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Et ses rêves sont encore plus barrés, enfin, c'est difficile de se retrouver, mais... Et c'est surtout faire du vieux, enfin, du neuf avec du vieux qui est intéressant. Ouais, ouais. Bah, en parlant de faire du neuf avec du vieux, je pense qu'il y a la phrase... La phrase que j'oublierai jamais de ce film, c'est... Moi, je fais du sale. T'es du genre à la nécrophilie? Oui. Quoi? Ça, c'est le meilleur truc. C'est pas mal en couple, ça. Comment, vas-y, Raph? T'as déjà un dossier avec la pédophilie? Ils ont passé... Non, mais il y a une vanne... spécialiste des films de pédophilie. Je pourrais pas spoiler, si vous intéressez pour certains, comme de le voir, mais oui, il y a une vanne sur la nécrophilie dedans. Mais c'est pas ça, là. Ouais, voilà. C'est pas ça, là. Il n'y a pas d'acte. Non, c'est juste une vanne. Mais c'est vrai que c'est dur à placer, sérieusement. Dans un film qui ne veut pas, enfin, qui voulait pas en parler spécialement, c'était assez rigolo. C'est normal, hein, à cet âge-là. C'est fou. Même la bande son est décalée, en fait, c'est bourré de sons, justement, comme son nom l'indique, un peu brésilien, un peu de samba et tout, avec un univers qui est hyper low, qui est noir. Tout est en décalage et en opposition, en fait. Mais c'est un film de cinéphile, quoi. Voilà. On peut dire ça comme ça, c'est pas... C'est sûr que c'est pas le film à regarder en rentrant du boulot, quand tu veux juste vider la tête, non c'est chaud là, évitez. Moi je l'ai maté en après-midi. T'en restes au boulot. Je l'ai rematé hier après-midi, pour prendre le temps de concentrer, parce que je me souviens que c'est... Voilà. Mais au moins je pense que c'est un film que peu de gens connaissent, s'ils sont pas intéressés, donc ça me... Voilà, beaucoup de gens connaissent peut-être le nom quand même. Oui, voilà, mais voilà. Ils l'ont jamais vu à mon avis. Voilà. Ils ont commencé et... C'est pas le film science-fiction le plus connu, et pourtant il vaut le coup quand on aime le genre, je pense. Ça roule. Voilà. Très bien. Merci. Bon, on va rester sur le vieux avec le neuf ou l'inverse, Julien. C'est le vieux qui va nous parler du neuf, en fait. Qui va parler... Ouais, non, neuf. Bon, c'est 2006, pas trop vieux, bah, par rapport à 1985, c'est pas trop vieux. Bon. Non, c'est vrai. Moi, je vais vous parler de V pour Vendetta. Ah, ouais. Celui-là, on l'a vu. Normalement, tout le monde l'a vu ici. Il est plus facile d'accès. Quand même. Il est plus facile d'accès, donc c'est pour ça que ça a été un peu plus court, normalement. Toujours court. Je m'en suis dit, voilà. Merci Olivier. J'allais te lancer dessus, mais comme je t'ai regardé... Donc, V pour Vendetta, c'est un film qui est américano-germano-britannique. On va dire le mélange, déjà. Petit mélange. Voilà. Réalisé par Jane Mafeg et sorti donc en 2006. Alors, à savoir que c'est une adaptation d'un roman graphique. De Alan Moore. Ouais, et de David Lloyd. Voilà. Celui qui avait fait From Hell, Alan Moore aussi, non? From Hell et Watchmen, ouais. Et Jackman, extraordinaire. Succès, Allez, on est mis, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pris des notes. On va dessiner des souris. Bon, l'action se situe donc à Londres, où un combattant de la liberté, donc V, pas la série V, hein, les visiteurs. Le lézard. T'es content de t'accrocher? Non, parce que là, je vois le mélange, et là, je fais « Oh putain, ça part en cacahuète ». Et donc, il cherche à mettre en place en fait un changement politique en menant une vendetta personnelle contre le gouvernement en place. Puis à lever le gouvernement du chancelier Sutler. C'est peut-être là le côté allemand. Ah, déjà, quand tu je vois sais le pas drapeau, si c'est un hasard. Ouais, le drapeau un peu noir et noir. Ouais, je sais pas sûr qu'il y ait que ça d'allemand là-dedans. C'est très bas, ouais. C'est peut-être. Les bottes aussi. Les camps de concentration. Ouais, c'est vrai. Un hôpital, ouais, l'hôpital. J'en prends tout à l'arme. Reste dans les termes simples, tu sais. Ouais. Tu parles à Julien. Mais en fait, sa vengeance personnelle, c'est parce qu'il s'est fait enfermer lui et ses proches dans une sorte d'hôpital où voilà, il y a de l'épuration ethnique. Hein, tout simplement. Ils ont fait des expériences surtout. Et des expériences, dont le fameux justicier qui est en mode super guerrier, là, qui ressent limite pas les balles. C'est le seul sur qui les expériences ont marché. Voilà, enfin bon, sauf qu'il a une sale gueule. Sauf que maintenant il est brûlé de partout. Il est un peu malo, hein, aussi. On peut parler de Nathalie Portman un peu, mais je vois pas trop l'intérêt dans ce film-là. J'ai pas trop. Disons que c'est notre point de vue en fait. Ouais, c'est un. C'est... Elle rentre dans sa vie, sachant que le mec c'est un mec. C'est lui quasiment... qui rentre dans sa vie plutôt. Ouais, les deux côtés quoi. Enfin, ça rentre des deux côtés. Ah bah si c'était pas lui, c'était deux autres, deux autres personnes. Ouais. C'était trois, non, trois autres personnes. Trois autres personnes. Ah, ça serait bien rentré dans sa vie, ouais, bref. Et. Mais c'est pas là justement que le changement soit. Enfin, le, non, la, rencontre, le la, la vraie rencontre, c'est dans le bâtiment de télévision de la BTN. Où elle sauve un peu la vie en fait. Ouais. Enfin, elle sauve la vie. Elle aide le V à s'enfuir. Plutôt. Elle sauve la vie du flic. Elle et comme il prend un mauvais coup, elle prend un mauvais coup, donc lui il hésite, puis il l'amène dans son QG. Et voilà, BTN, c'est la seule chaîne British de propagande, un peu la BBC. Version dictature. Version dictature. Alors BBC c'est pas Big Black Cock comme hein, c'est pas la même chose. Ouais, je te disais la dernière fois, j'ai pas le même. Il rattrape deux mois de. J'ai essayé de faire des vannes de cul comme Julien, mais ça marchait moins bien, c'est tellement naturel. J'avoue. Bon, voilà, et du coup, alors ça tourne autour d'une date, oui. 5 novembre. Alors ça c'est un peu historique, c'est de l'histoire anglaise en fait. Le 5 novembre 1605, c'est un certain Guy Fawkes qui a voulu détruire le Parlement avec des barils de poudre. Ils appellent ça la révélation de poudre en fait, la révolution de poudre. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a choisi ce 5 novembre, parce que c'est en Angleterre, c'est une date historique. Il veut faire péter le Parlement. Bon. Voilà. Et donc, du coup, donc du coup, il voulait faire sortir le film en plus en 2005 pour les 400 ans justement de cette tentative d'attentat. Et bon, du coup, ça a été repoussé parce que le réalisateur n'était pas du tout content du résultat, donc il avait repoussé d'un an la sortie du film en fait. Le réalisateur qui est le monteur des sœurs Wachowski. Bon, on sent quelques scènes que les Wachowski ont travaillé un peu dessus. Donc, c'est son scénario Wachowski à lui. C'est son scénario de tout ça. Je pense aussi qu'il apporte beaucoup Wachowski, comme quand on voit Claude Atlas ou L'ombre du mal, je crois, l'autre film qu'il avait fait. Oui. Il a quand même une bonne maîtrise de son sujet, on voit qu'il gère ce qu'il fait. Donc voilà, c'est vraiment un combat contre la dictature avec. Les enlèvements, les massacres, un des amis de Nathalie Portman a fait un petit sketch contre le dictateur. Avec Benny Hill, justement. La musique de Benny Hill, ouais. Et il se fait du coup arrêter. Exécuté un petit peu. D'ailleurs, ça me fait penser à Léon, où justement elle joue avec. C'est vrai, oui, elle est sous le lit encore. Là. T'es plus jeune dans Léon. Ouais, donc c'est rien de. Le scénario est pas mal, c'est assez classique, il n'y a pas forcément une grande philosophie à part dire que la dictature c'est pas bien. C'est pas bien. C'est hyper esthétique aussi. Ah bah ouais, pour 2005-2006, ouais, c'était quand même pas mal fait. C'était quand même pas mal fait. Ouais. Puis le chancelier, il a vraiment, vraiment une bonne gueule d'enfoiré. Ouais. En fait, tout son gouvernement, ils ont une bonne gueule. Ouais, ils ont vraiment le responsable de la police, là. Ouais. La police politique, là, une belle gueule d'Arien aussi, celui-là. Et les couleurs aussi, c'est vraiment noir, rouge et blanc. Moi, quand je regarde le film, des fois, ça me fait penser à le jeu Commandant Conquer avec le Node. Oui, ouais. Ouais, c'est logique. C'est exactement le même drapeau, quasiment, quoi. Ça fait un peu le même drapeau noir et rouge, scorpion. Ouais, hein, j'allais dire, c'est pas un scorpion, c'est une croix. Quoi. Ça me faisait un peu penser à ça, même les soldats, tu vois, ça faisait penser un peu à ça, dans les scènes cinématographiques de Commandant Conquer. Ça inspire des nazis, hein, c'est un peu. Oui, c'est ça. C'est un bon film de divertissement. Ouais. Alors par contre, ça parle beau. Oh, le ronchon. C'est très strict comme film. Esthétiquement, c'est strict, c'est droit. Ça parle pas en fait au début, ça parle pas dans le film en fait, ça, de ce qui s'est passé avant, pourquoi en fait le monde en est arrivé là en fait. Ouais, puis ça nous dit pas même le V ce qu'il était réellement avant, on suppose que c'est lui. Ils en parlent pas beaucoup, on pense un peu connaître son histoire, mais finalement non, on connaît rien du tout quasiment, à part que c'est le gouvernement qui a un peu accéléré là. Pour en mettant des virus en place, virus, les catastrophes, tout ça, pour justement. Aucun gouvernement qui mettrait un virus en place pour être réélu. Je vais avoir des problèmes, moi. Aujourd'hui, ça me parle de quelque chose. Il y en a qui vont avoir des problèmes. Ouais, bon, toi, tu dois avoir l'habitude d'en avoir. Le nombre de plaintes qu'on a contre toi à chaque fois. Oh non, non, du moins que tu payes. Je paye pas, non. Je donne c'est ton adresse. C'est le producteur qui paye. Hein. Je donne ton adresse, il se débrouille avec toi. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, sur ce film, qu'en avez-vous pensé, les enfants? Bah, c'est vrai qu'il est super esthétique. Mais en fait, le personnage de V, concrètement, bah, on l'appelle terroriste et bon, il fait des choses pas très belles, mais il reste quand même quelqu'un de très poétique, en fait. Il a une. Comment on dit? Une culture. Oui, non, mais il a pas un charisme. Enfin, ah, si, un charisme, peu, ouais. Une culture et une délicatesse en fait, dans ce qu'il fait. Oh, oui, bah, il y avait des roses avec les bombes. Je rebondis avec ce que tu dis. En fait, c'est peut-être aussi une femme, puisque c'est caché. Ouais, on sait jamais trop si c'est un homme ou une femme. Pas, ouais. On sait pas en fait. Parce que V, c'est aussi. Il a quand même eu une voix très grave. Bah, oui, mais au vu du tablier qu'il porte quand il fait à manger, il est quand même tombé amoureux de. Bah, une femme vraiment, et une femme peut aussi tomber amoureuse. Ah, d'ailleurs, oui, dans le film, à un moment, il parle de lesbienne aussi. Ouais, mais bon, il y a l'histoire d'une lesbienne qui est racontée. Oui, enfin, elle est morte. Et le V, bah, c'est le signe de la peut-être femme pas, aussi, justement. Dans peut-être la symbolique, c'est une femme. Ah, si, V, les deux jambes sont écartées, c'est le signe de la femme. C'est ça. Non, c'est pas c'est du ça. Tout. Je connais rien. Voilà. Tu connais rien, de toute façon, t'as un mauvais coup, ta gueule. Ça peut être une femme, on ne sait pas. Voilà. Ouais, pas beaucoup de nichons alors. Ah, elle a été brûlée. Mais alors, elle peut les avoir Amazones. Des nichons brûlés. Les Amazones. Peut faire sa chaudasse. Ah oui, là, elle a le les Amazones, elles s'enlèvent un. Bah oui, bah là, elles s'enlèvent les deux. On s'en fait les tranches. Ça peut être bandé. Pas très bien. Ah bah, elle fait bandé, bandé. Bon, bref. Moi, j'ai revu ça, j'ai trouvé ça sympa, ça se regarde bien. C'est pas... Non, mais ça passe vite hein, pour un film de 2 heures. Pour un film de 2 heures et quelques, ça passe assez vite. Ça passe assez vite, ouais. Il n'y a pas trop de longueur. C'est mais moi, j'avais souvenir d'un film qui était plus film d'action et au final, non, pas, presque pas. Non, ça parle beaucoup. Hein. Ça parle puis beaucoup. Des fois, il faut le suivre, hein, lui. Hein, quand il parle, des fois, avec ses, ah oui, ses poésies, à un moment donné. Avec Monte Cristo et autres. Mais, fait, là, t'es relou, là. Parle correctement, parle ça. Normalement, là, parce qu'on me perd, des fois. Mais non, c'est trop bien. Oui, mais... Toi, t'es une sensible. Ouais. T'es sensible. Je crois que t'avais dit t'es une sorcière. Aussi. Moi aussi, ouais, j'ai entendu ça. Aussi, fou, aussi, t'es une sorcière, aussi. Si tu veux. Super, merci. La sorcière bien aimée. Non. Non. Non. Par contre, on pourrait peut-être parler aussi de l'impact que le film a eu sur une contre-culture à Riverdale, justement. C'est pour ça, hein, mais bon, on est dans... Merci. Bah, pour non, en tout cas, ils auraient trouvé d'autres masques, mais c'est vrai que l'idée de cacher, s'effacer derrière une idée, c'est l'idée ouais, des Anonymous. Moi, j'ai plus flippé que quoi. Le masque de Scream, tu vois, justement. Il est plus flippant, parce que... Parce qu'il sourit. Parce qu'il sourit. Et les petites pommettes roses aussi. Petites pommettes roses. Bah, peut-être parce que tu t'attends aussi moins à ce qui peut se passer que quand tu vois le masque de Scream. Là, tu sais que sais tu vas être dérouillé, quoi. Ouais. Ou un masque de hockey. Ouais, aussi. Bien. On les voit, nous. Ok. Je voudrais ne pas être effrayée tout le temps, mais... J'ai peur. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement. Les gouvernements devraient craindre le peuple. Tout contrevenant arrêté pour viol de couvre-feu sera poursuivi sans clémence et sans faire d'exception. Tu violes le couvre-feu, là, tu le sais? Au secours! Ayez pitié! Oh, pas ce soir. Qui êtes-vous? Messieurs, je veux que ce terroriste soit retrouvé et je veux qu'il comprenne vraiment ce que le mot terreur signifie. Nous suivons plusieurs pistes. Ses parents se sont fait arrêter quand elle avait 12 ans. C'est comme si ce sac noir avait effacé à jamais mes parents de ma vie. Il vous reste une chance. Vous devez nous révéler l'endroit où se trouve le dénommé V. Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de 100 000 personnes, voudrais-tu vraiment le savoir? Ceux qui sont responsables auront des comptes à rendre. L'heure est venue pour toi de vivre sans peur. Je suis prête. Ce pays va sombrer dans l'oubli. Je veux que chacun se rappelle pourquoi il a besoin de nous. Tuez-le. À mon tour. soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Nous suivons tous le même chemin. Est-ce que nous sommes prêts? Un seul verdict. La vengeance. Eh ben c'était bien, Julien, merci. De rien, je vous en prie. Là, je réfléchissais un truc par rapport à pour mon état, je m'étais fait une réflexion au générique, mais j'arrive plus à me souvenir de quoi. C'est con. Ouais. Genre que le générique connaît pas tout à fait au film ou un truc comme c'est ça. C'est la fin, la chanson de fin. Ah oui, c'est une espèce de truc, je sais plus. Ah, c'est une opérette. Ça... Non, ça faisait un truc un peu joyeux. Ouais, joyeux, genre techno. Enfin, c'était. Je me souviens plus exactement, mais oui, c'était... ça collait pas. Et c'est un problème de ce réalisateur-là, parce que L'Ombre du Mal, c'était pareil. Ouais, c'est peut-être vachement. C'était un film sur Edgar Poe, et à la fin, c'est de la techno avec un générique en polygone 3D bizarre. Justement, c'est... Je pense que l'explosion de Big Bang, c'est la même que celle de Chapeau Melon et Botte de Cuir. Voilà. Je pense que c'est ça aussi. J'ai une anecdote là-dessus, je crois. Il y a faudra vérifier. Donc, tu dis que ce serait la même que l'explosion de Big Ben à la fin de Chapeau Melon et Botte de Cuir. Ouais. Le film. Bien sûr, le film. Le film avec Sean Connery. Et Uma Thurman et Ralph Fiennes. Je pensais quand j'étais petit, je pensais que c'était Ralph ou Raffion. Bref. Ouais, bon. Il a pas transformé l'histoire du cinéma. Quoi. Ah non, mais il a aimé les Anonymous. Hein. Oui, il a aimé les Anonymous. Il a quand même marqué. C'est un bon divertissement. Oui, c'est un film pour mater, pour commencer la science-fiction, les utopies, c'est pas mal. Ouais, pour parler d'utopie, ça grossit vachement les traits, donc ça. Ouais. Voilà. Du coup, question très bête, est-ce que ça aurait pas un peu inspiré Casa de Papel ou pas? Je sais pas, Casa non, de Papel. C'est plutôt pas un Sandman de Spike Lee. Ouais, c'est une ouais mais en fait, je pense juste au masque en fait. S'il n'y a pas un message aussi derrière. Des Anonymous 10 ans avant, donc c'est peut-être plutôt la Casa de Papel qui reprend l'idée des Anonymous pour se cacher. Après, qui a lu la BD de V pour moi d'État? Moi. Et tu trouves quoi l'adaptation C'est quasiment du kiff-kiff. Du kiff-kiff ouais. À la Watchmen ou à la. Non, là c'est plus proche, vraiment, même dans les thématiques, c'est assez proche. Alors que Watchmen, bizarrement, les images sont très proches, mais la thématique, il est passé à côté, c'est assez fou. Alors que les images et les dialogues collent. D'accord. Mais même pour mon état, non, je trouve que ça colle bien au truc. Voilà. Merci. De rien. Pas de rien. Bon, bah, du coup, on va passer aux 7 sœurs d'Héloïse. Ouais. Ah, on s'en fait de la sœur. Hein. Je te le jure. Des alors. Septuplé. Septuplé. Septuplé, vous êtes 6. Septuplé. Vas-y, tu peux. Vous nous fatiguez, sérieusement. Donc du coup, moi j'ai regardé Seven Sisters de Tommy Wirkola. Ah t'es souhait. Ça s'est fait. Ça sera intéressant de voir ce qu'il a fait aussi. Qui est sorti en France en 2017 avec comme acteurs principaux Noomi Rapace. Noomi Rapace. Qui... Bon, c'est bien Noomi. Hein. C'est Noomi. Il y a deux os. Oui, il y a deux os. J'ai toujours dit Noomi Rapace. Ah mais tu vas la boucler. Ah maintenant qu'elle a son micro elle, on l'arrête plus. C'est bon, qui va jouer à elle toute seule les 7 sœurs. Ah bah oui, vas-y. Parle pas de la rondelle de mon micro, s'il te plaît. Bon, vas-y, on précise bien que c'est celle de mon micro que tu parles. Elle l'a précisé. Non, mais je viens, oui. On a aussi Glenn Close qui va jouer Nicolette Kamen et Willem Dafoe qui va jouer Terence Setman, donc le grand-père des 7 sœurs. Du coup, pour résumer, en 2043, suite aux effets pervers des technologies mises en place pour augmenter les rendements agricoles, la Terre est confrontée à l'explosion de naissances multiples. Ce qui mène ainsi à une forte surpopulation. Pour enrayer ce phénomène, les autorités décident de mettre en place une politique de l'enfant unique. Ça me rappelle un pays. Elle est en partie gérée par le Bureau d'allocation des naissances. Celle-ci récupère, entre guillemets, les enfants en trop, et à l'intention de les cryogéniser le temps que la situation s'améliore, c'est-à-dire le temps de faire face au problème de surpopulation. En parallèle, on a Karen Setman, qui meurt en couche après avoir donné naissance à des septuplés. C'est Terence Setman, le grand-père, qui va s'en occuper et leur donner des noms. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et vendredi, du coup, c'est la vie sauvage. Voilà. Et pour échapper au contrôle, il va cacher les 7 petites filles et les élever en secret avec une règle essentielle. Elles ne peuvent sortir qu'une seule fois par semaine en fonction des jours, de leur prénom et du jour de la semaine. Alors, heureusement qu'elles étaient pas 8. T'imagines 12 ah, une par mois. Et 30 ans plus tard, elles ont réussi à faire perdurer le secret. Elles sont chacune tour à tour, Karen Settman, employée classique de banque, et tout sera chamboulé quand lundi ne rentrera pas le soir à la maison. Saloperie. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que le titre original est beaucoup plus parlant. C'est What Happened to Monday. Mmh. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à lundi ? C'est beaucoup plus parlant. Merci, Rap. On appréciera ta perspicacité. Ouais, je sous-titre, je sais que c'est pas très. Comment ça m'énerve que ces films de pédophiles. Je sais pas ce qui est le pire, pédophilie, nécrophilie. Ou les deux. Les deux ensemble. Oh mon dieu. Ah ouais, les deux, ouais, on peut. Ça, c'est ton genre de film. Non, là, n'empêche pas l'autre. Concrètement, je trouvais que l'idée, elle était vraiment pas mal. Mais ça va trop vite. Enfin, à chaud, j'ai adoré. À froid, bah, je me suis dit, ils sont sérieux. Il y avait un potentiel énorme dans ce film qu'ils n'ont pas développé, c'est le potentiel psychologique. Et parce qu'en fait, on a juste un cliché des personnages principaux. Par exemple, on a lundi, c'est la travailleuse assidue, mardi, la craintive empathique. Après, on a une sportive, un garçon manqué, une intello geek, une femme fatale, et puis une optimiste, en fait. Et... ils font tout passer c'est avec des... C'est cette main, quoi. Mardi, c'est permis. Et jeudi, c'est ravioli, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, malheureusement. Et du coup, ouais, bah, ils se sont dit, bah, tiens, on va essayer de faire un blockbuster, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Du coup, ils ont balancé des scènes d'action, et au final, on survole les personnages, et c'est dommage, en fait, parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ouais. C'est le problème avec la dystopie, c'est que c'est des univers riches qu'il faut mettre en place, il faut prendre le temps, et ça coule pas forcément avec les films d'action, en fait. Oui. Bah, alors le film d'action fait que tu développes pas la dystopie, quoi. C'est ce que je viens de dire, merci. En fait, c'est une utopie. C'est presque une utopie. Ouais, sauf qu'il se tabasse tous à la fin. Mais... avec moi. Ouais. Justement. Non, j'ai pas en plus court, moi, justement. J'ai rien oublié. Et de ouais, l'approprier... En deux heures, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Il va te couper en montage, il va dire. Ouais. Oh non, je vais pas couper au montage. Là, c'est ce qu'il fait, c'est les podcasts d'une heure et demie en tant que lui. Hein. Il reprend toutes nos idées, après il retourne tout derrière. Il s'attend de la couverture, là. Il se tire la couverture. Ouais. Moi, je l'ai trouvé sympa comme film d'action, c'est ça. Oui, voilà. Noumira Pass, c'est bon, moi, depuis Millennium, je l'aime bien. Elle est sympathique, enfin, je l'apprécie comme actrice. Il y a un tout twist de fin, quand tu découvres un peu ce qui se passe, c'est plutôt cool. Bon, dans le sens où tu disais bien qu'il devait y avoir une couille, mais quand tu découvres quelle couille c'est, tu dis ah, elle était vraiment grosse en fait. Ah oui, mais moi je l'ai au milieu du film, je dis. Il y a des trucs pas mal, mais c'est vrai que ce genre de film, t'aurais dû mettre une heure de plus, mec, pour faire un vrai film, un vrai super film. Mais c'est ça, il y a des bonnes bases, au final, ils survolent des choses qui peuvent être essentielles dans l'attachement au personnage, en fait, parce que là, on a juste, comme je disais, on a les clichés, puis qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est souvent une question de budget à Hollywood, de trucs. De réalisateur, peut-être. Il y a tellement de. Non, mais c'est une production, je crois, c'est une production européenne. Ouais. C'est pas. Je viens d'aller voir le réalisateur, je comprends mieux. C'est qui alors, c'était lui ? Dead Snow. Et Hansel et Gretel avec... Dead Snow est génial. Moi, je déteste Dead Snow. De toute façon, on sera jamais d'accord sur... Ah non, on sera jamais d'accord. C'est Dead Snow, il est fantastique. Je reproche la même chose à Dead Snow qu'Héloïse reproche à Seven Sisters. T'as un potentiel de dingue, il est vaguement survolé au final, et basta, quoi. T'as vu Dead Snow 2? Non, j'ai pas vu le 2, du coup, le premier m'a pas branché. Le 2, j'ai déjà le premier, je l'ai reviré, et voilà. Je pensais que t'adorais, toi qui adore, comment il s'appelle, bonhomme les zombies, de jeux de tueur. Jack Frost. Ouais, Jack Frost, c'est fun. Là, Dead Snow, tout ce qu'ils font, c'est citer des références et ça s'arrête là, c'est vain, c'est creux. C'est des nazis, zombies qui tuent des étudiants dans la neige, c'est chiant. Ouais, mais ça s'arrête à un truc creux. Pour moi, c'est exactement ce que dit Hello, c'est pas fouillé, c'est juste. Dans un truc qui est pseudo-hype et basta, quoi. Et derrière, il a fait aussi Hansel et Gretel, du coup, avec... Oui, je me souviens. Avec Faucon, mais je sais plus son nom. Jeremy Renner. Et l'autre... L'actrice, je sais même plus. J'ai vu au cinéma, je l'ai vu. T'as été assassiné. Enfin, moi, j'ai vu sur W9. Ah oui, moi aussi, je crois que je l'ai vu sur W9, ou que je l'ai dû le louer, ou que quelqu'un l'a prêté. Mais j'aime bien les contes, en fait. Moi, j'aime bien les contes. J'aime beaucoup les contes. Je suis allé... Ouais, non, c'est... C'est pas terrible. C'est, ouais. Il n'y a pas grand-chose à voir. J'avais vu un autre d'asiatique dans Hansel et Gretel. Oui, il est pas mal. Moi aussi, il était pas mal. Il est excellent. J'ai peu de souvenirs de ce film. Si on l'a vu, je crois, il y a 2 ans avec Héloïse. D'accord. Il est sympa. C'était pas tout à fait il y a 2 ans, mais... Oui, c'est pas grave. C'était il y a 2 jours et oublié. Ça passe si lentement que ça. J'ai rien dit. Et c'était quoi le titre? Bah, c'était Hansel et Gretel aussi. Hansel et Gretel. Oui, c'était le même titre. Il est excellent. Excellent. Ouais, j'ai des bons souvenirs aussi. Au cours des 50 dernières années, la population mondiale a doublé. Tous les 4 jours, nous sommes 1 million de plus sur la planète. C'est la plus grande crise de l'histoire de l'humanité. Nicolette Kemann a inspiré à la Fédération sa décision de ne plus autoriser qu'un seul enfant par famille en promulguant la loi sur le quota d'enfants. Et bâtir un monde meilleur pour nos enfants. Comment ferez-vous pour cacher ça? Je me débrouillerai. Vous avez pensé à des prénoms? 7 filles, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À partir de demain, vous allez sortir chacune votre tour le jour de la semaine correspondant à votre prénom. Tous les dimanches, ce sera dimanche qui sortira. Lundi sortira le lundi. Et ainsi de suite. Hors de ces murs, vous adopterez toute l'identité unique de Karen Settman. Votre nom, s'il vous plaît ? Karen Settman. Auriez-vous quelque chose à déclarer ? Non. Et quoi que vous fassiez, et où que vous vous trouviez, il ne faudra jamais dire à personne que vous avez des sœurs. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Et si elle est blessée ? Ou morte ? Et si la police la retrouve avant qu'on ait pu la ramener ici? Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut sortir, on n'a pas le choix. Faites attention, Joe. Vous prendriez un risque en sous-estimant les Settman. Ensemble, nous réussirons à survivre. Voilà, voilà, suivant. Donc, qui a vu Seven Sisters quand même Qui c'est qui l'a laissé sous blister? Moi, je l'ai laissé sous blister. Enfin, Emily, parce que c'est Emily qui l'a acheté. Bah, c'est toi qui voulais le voir. Oui, moi, oui, c'est vrai. Moi, j'ai moyennement. Mais... C'est vrai. Je l'ai pas vu du coup, mais je vais le voir. Mais du coup, en termes d'action, il est bien. En termes de de reste. Oh, vas-y, Wally, développe, parce que on voit pas les mouvements que tu fais. Non, c'est pas ça. L'action, non. Oui, il y a pas des scènes d'action basiques. Ouais, voilà, rien de recherché. Il y a pas de mise en scène hyper recherchée. Il y a pas la patte de V pour Vendetta. Voilà. Le truc original, c'est l'idée, le scénario. Le scénario, l'idée. Voilà, c'est juste ça qui est dommage. Ça, c'était un potentiel. Ça peut faire une pièce de théâtre, quoi. Donc, c'est comme Dead Snow. L'action, elle est plate. Le scénario n'est pas développé. Il y a 69 pour faire chier. C'est comme Dead Snow, tu sais, t'as bien aimé. Mais c'est de la merde. Ah oui, non, mais autant Brasile, tu peux le défendre. Mais là, Dead Snow, quand même, c'était nul. Mais j'aime bien. Mais je peux pas forcément le défendre, mais je l'aime bien. Ouais, bah voilà. Je trouve, c'est un film cartoonesque, c'est drôle, quoi. Bon. Tout. Non, mais tu me déçois, je m'attendais à mieux de ta part. Mais attends. Je comprends pas. Il regarde les films les plus mauvais qu'il soit. Mais non, ouais, je lui en sors un super mauvais que j'adore, mais il trouve qu'il est nul. Bah oui, bah écoute. Ouais, en même temps, tu m'as dit que tu aimes Ginger Dead Man, je le trouve nul aussi. Ouais. Il y a une différence entre mauvais et super mauvais. Il y a tout dans le monde. Au moins, Jack Frost, il est pas assez mauvais pour qu'il. Non, Jack Frost, il développe son concept à fond, mais il pousse le ridicule jusqu'au bout. Death Note, il arrête au milieu. Je comprends. Oh, Death Note, c'est l'occasion de faire des morts rigolotes et tout, c'est pas... Ouais, c'est vrai, c'est y a rien de poussé, c'est juste un film un peu gore marrant, quoi. Ça vaut même pas la peine d'en parler, hein. C'est vrai. Parle de ça, là. Ah, parce que c'est le même réalisateur que Seven Sisters. Bah, bien, bien, bien. Bon, bah, Walid, ça va être à toi. Oui. T'as bien pris des petites notes? J'ai pris des petites notes. T'as écrit assez gros pour te relire? Voilà. Ou t'as mis des lunettes au pire? Mais non, mais j'en ai pas besoin. C'est juste que je me relis mal. Alors, je vais vous parler de Metropolis, un film de Rintaro. et écrit par Katsuhiro Otomo, le papa de Akira. Metropolis est une adaptation libre de droit du manga d'Osamu Tezuka publié en 1949, lui-même inspiré de Metropolis de Fichte. Ah bah voilà. Voilà, j'ai jamais dit le contraire. Ah non, non, mais on n'était pas sûr. Mais voilà, j'ai recherché, c'était sûr. Alors, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe dans Metropolis. Attention, ne spoil pas la fin. Non, je spoil pas. 3 heures, non, mais... Metropolis, une cité futuriste où les humains cohabitent avec des robots. La gigantesque... La quoi ? La gigantesque... La grande tour. Voilà. C'est beau, ça. La gigantesque... gratte-ciel. La ziggourate abrite l'élite... La ziggourate. La ziggourate. La ziggourate. Comment est-ce possible ? La ziggourate, bon. La ziggourate. Tout le monde... C'est bien qu'il y a des mots à éviter ici, Walid. La tour s'appelle comme ça, je ne veux pas éviter. Ah, oui. La ziggourate... La gigantesque ziggourate, donc. Ziggourate abrite l'élite de la société. Tandis que les pauvres et les robots sont condamnés à vivre sous terre. Le détective Sazaku Ban et son neveu Kinichi enquêtent sur un trafic d'organes humains et le font rencontrer l'auteur de... Même là, t'arrives pas à trouver. Oui, bah parce que je me suis... Le silence est d'or, hein. Ah oui. Docteur. Ah oui. Oh putain. Oh, ah oui, le Dieu. Docteur plutôt. Le docteur Lotton. Comment tu écris ça? Je sais pas, j'ai mis l'acteur, je sais pas. Le docteur Lotton, un scientifique rebelle. Ce dernier a conçu Kima, une merveilleuse fille qui est aussi androïde. D'un nouveau genre, celle-ci destinée à trôner au sommet de la ziggourate. Voilà, que ça revienne. La zigoulette au sommet, quoi. La zigoulette au sommet. Tu viens, t'as la bouche pleine. Lâche, Raph. Ah. Alors, pour moi, c'était... c'est, en 2001, c'était une claque graphique, je l'ai vu au cinéma. C'était... comment dire ça ? C'était, pour moi, le premier film où il y avait la 3D et l'animation traditionnelle qui s'est très bien mariée. Après, je sais pas qui l'a vu. Moi, je l'ai pas vu. Non. Bravo. L'original du coup. Ouais, pareil. Que bah, l'original, je jamais fini. Très très difficile à voir. Voilà. Bah, c'est un film d'étudiant au cinéma quoi. Voilà. Moi, je trouve pas spécialement difficile à voir. Si tu te laisses entraîner dedans, il glisse. Ouais. Non, mais quand il passe. Il faut rentrer parce que noir et blanc, muet. Les cartons en allemand. Carton en allemand, très dur à comprendre. Enfin, non, il est pas très dur à comprendre. Il dure à suivre quand même. Enfin, faut. Bah, il manque une bobine, je crois. Par contre, t'as une esthétique remarquable. Parce que moi, quand il passait sur Arte, il l'a passé 2-3 fois. Ouais, j'ai essayé de le voir, et à chaque fois, c'était. C'est difficile. C'est difficile. Non, c'est quand tu rentres pas dedans, mais... si moi, je suis rentré du premier coup, j'ai adoré. Moi, mais... C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de l'expressionnisme allemand, quoi. C'est ce qui a inspiré Burton ou Gilliam, des mecs comme ça. C'est intéressant de revenir aux sources, quoi. Mais non. C'est dur. Donc, pas vu ce chef-d'œuvre. On peut conseiller le Metropolis de Fritz Lang. Oui. Oui, bah oui, c'est un film culte du cinéma. Mais. Alors, Rintaro, le réalisateur Rintaro que tous les mecs de Mangamania doivent connaître, et Megalopolis. Megalopolis, ça me dit bien quelque chose, mais je suis même pas sûr à 100%. Non. Il y avait quoi d'autre? Galaxy Express 999, le film. Ça, le film. C'était une série, ça? Il y a une série, mais il y a un film. L'espace. Oui, ouais. C'est le même principe, mais... Oui, mais en plus long. Alors, c'était un disciple de Osamu Tezuka. Ils ont travaillé ensemble pour la première série Astro Boy. J'allais dire Tezuka, c'est Astro Boy. Okay, Astro Boy. Ils ont travaillé sur la première série de 69, 62. Oui, parce que de mémoire, sur la fiche de Metropolis, il y avait écrit par le réalisateur d'Astro Boy ou le producteur d'Astro Boy. Le producteur d'Astro Boy et l'auteur d'Akira. C'était le concept. Après, moi, pour moi, c'est. Pour moi, la musique, elle est excellente. C'est jazzy. C'est. Tsuyoshi Honda qui l'a fait. C'est un grand maître de jazz. Oui, voilà. Dans le scoring de VHS. Ils en parlent un petit peu. Ouais, je réécoute le dernier là sur. Ouais, sur oui. Ouais. Mais en soi, le film il est pas mal. Il y a quelque chose d'un peu naïf, mais c'est très mignon. Bah, comme entre les personnages. C'est très naïf aussi parce que les années 30 c'était très exagéré dans les représentations, mais ça restait très naïf dans la thématique. Oui, la thématique est pas mal. C'est... Bah, même Cameron a dit que c'était, à l'époque, c'était révolutionnaire, parce que la thématique du robot, tu sais, le manga, est-ce que le robot a une âme? Voilà, ou bah, non, voilà, c'était avant Blade Runner, quand même. À l'époque, oui. Ah bah oui. 1949, oui. Je sais même pas si on était avant l'écriture des bouquins d'Asimov, je pense pas. Je ne vois pas. Je pense pas, mais ça devait pas en être loin. Après, je sais pas si qui inspire l'autre, mais après, voilà, c'est toujours les mêmes thématiques que le robot, est-ce qu'il a une âme ou non. Ouais, mais qu'est-ce qui définit l'humain, sur le voilà, surtout ça. Oh, je trouve que c'est intéressant. Ouais, je t'entendais. Oui, oui. Il grogne. Ça donne envie de le voir, en tout cas. Non, ouais, il est sympa. Non, franchement, l'animation est super. C'est pas l'existence d'un remake en animation. Okay. C'est une adaptation, c'est pas le remake. C'est une histoire vraiment différente. Un reboot, ça. Non, puis pour le coup, il passe assez vite aussi. Il passe très très vite. Ouais, il doit bien comme Brésil, 2h30. 2h. 2h. Parce que le film Metropolis, il y a. C'est pas la même histoire. Oui, mais c'est pas la même histoire du tout. C'est le même début, là, presque. C'est le même début, mais c'est pas la même histoire du tout. Il y a toujours un truc de société aussi inégalitaire. Enfin, chaque fois, c'est une frisson, tu vois les ouvriers qui vont à l'usine. Là, c'est pareil. En rond, non, c'est plutôt. Dans les souterrains, tu vois que c'est les égouts, c'est ça. C'est plutôt dans les souterrains. C'est toujours ça. Ouais, puis ils ont interdiction d'accéder aux étages supérieurs. Ouais, c'est ça. Tu vois la caste du haut qui se promène genre dans le jardin des délices et tout, ils font la fête et putain, t'as les ouvriers. Ou c'est une adaptation de. Si on peut pas voir celui de Frisland, on peut voir celui-là pour. Il est peut-être plus simple d'accès. Voilà. Sinon, c'est à peu près la même histoire que Snowpiercer aussi, sauf que c'est debout, quoi. Oui, voilà. C'est souvent un bossin. Ouais, hein. Bah, dans Brésil aussi, il y a une casse. Oui, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à Snowpiercer, dont on n'a pas encore parlé pour le moment. D'accord. Bon, vu qu'il reste plus de deux films. Et voilà. Je crois savoir duquel tu parles, mais bon. L'époque, le futur proche. Le lieu, la civilisation la plus avancée sur la planète. L'occasion, une célébration du progrès et de la technologie. Préparez-vous pour Metropolis, le film d'animation le plus spectaculaire de l'histoire du cinéma. Réalisé par Rintaro, le célèbre réalisateur de Galaxy Express 999. Écrit par Katsuhiro Otomo, le créateur du film révolutionnaire Akira. D'après un manga classique du parrain du dessin animé japonais, Osamu Tezuka. TriStar Pictures est fier de vous présenter une vision futuriste où les robots ont évolué, mais où l'humanité a une longue route à parcourir. Bienvenue à Metropolis. Prochainement disponible en version française. Je crois que c'est rapport à la bouffe, Emily. Oui, attends, je suis pas sûr. Non, c'est pas grave. On disait que dans Snowpiercer et dans ton film, il y avait un rapport. On va le voir. D'accord. Mais du coup, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Transition, la dernière fois, c'est moi qui loupais la transition. Là, c'est Walid qui loupe le micro. Alors, donc je vais vous parler de Soleil Vert, donc, qui se traduit par Silent Green. Soylent. Soylent Green. Donc, en fait, alors je pars déjà sur une traduction. Si on dit Soylent tout seul, c'est le soja. Mais quand on dit Soleil Vert en anglais, c'est Green Sun. Et Soylent Green, c'est littéralement du vert, la couleur verte soyeux. C'est le vert soyeux. Mmh. Et pour aller encore plus loin, Soylento, ça veut dire je suis lent en espagnol. Donc voilà, c'était. Tu nous as tous perdus, là, je crois. En gros. Le résumé du film. Voilà. Pendant ce temps-là, Veracruz. En gros, c'est un film qui est sorti en 1974 en France. Qui parle du futur. 2020. 2022. Ah, futur. 2022, toujours dans le futur. Donc, les humains, donc hommes et femmes, ont épuisé les ressources, toutes les ressources de la planète. Et le soleil vert, c'est une sorte de pastille qui va nourrir toute la population, misérable, miséreuse et crasseuse. Le peuple. Le peuple, le petit peuple. Le peuple, tout le monde, tout le monde. Et donc, ce qui assure l'ordre, bah, c'est la police. La police. Et donc, dans le rôle principal, on a Charlton Heston, qui est détective Thorne dans le film. Il est accompagné d'un monsieur, son vieil ami à lui. Et donc, il va découvrir une société qui est devenue complètement inhumaine. Donc voilà, ça c'est le résumé. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, c'est tout un jeu de couleurs, justement. Parce qu'on... Qu'est-ce que t'as dit, pardon ? Le vert. Bah, vert. En fait... J'ai vu le film. Le soleil, il était vert, et puis voilà. Alors... voilà. Je vais pas y arriver. C'est le premier épisode de Green Hornet, d'ailleurs. Non, pas Green Hornet. Ça, c'était naze. On a les quatre couleurs de Windows, là-dedans. Il y a toutes les couleurs, en fait. Il y a toutes les couleurs. Ah, pourquoi c'est que green? Parce que c'est la société qui a fait des... C'est société verte. Parce qu'ils ont voté les verts. Ils ont fait ils ont bouffé les verts. Non, mais c'est parce que comme, en fait, il n'y avait plus assez des autres tablettes d'autres couleurs, ils se sont dit, bah tiens, on va en faire une encore plus nutritive, et ce sera la verte. Ah, du plancton. Voilà. Je crois que c'est celle au plancton, c'est ça. C'est plancton, ça. La verte. Voilà. Après, on peut pas dire... On va pas spoiler le film, mais c'est pas du plancton. Donc, en fait... Avec un film qui a 40 ans, personne n'a jamais vu. C'est vrai. Je peux y aller ? Non. Non ? Bon, bah, on passe. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Qui l'a vu ? Moi. Moi aussi. Alors, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi, c'est un film que, franchement, bien aimé. Merci. Et toi, Elo, du coup ? Après. Moi, j'ai beaucoup aimé, bah, parce que du coup, pour moi, en fait, transpersonnage, ça avait été une claque, et au final, comme c'est quasi la même chose, j'ai adoré, en fait. Du coup, j'étais pas particulièrement surprise par ce qui se passe dedans. Je me suis dit, c'est cool, en fait, on va retrouver les mêmes atrocités. Je crois que c'est un peu plus poussé. Ouais, non, même pas. Si. C'est plus. Ouais. Un peu plus, ouais. Un peu plus. Mais tu l'as vu au lit ? Mais tout en poésie. Ouais, toi, Emily, alors qu'est-ce que t'en as pensé ? Mais pourquoi tu me parles comme une débile, là ? Parce que t'es à côté de moi, bon, qu'est-ce que t'en as pensé ? Mais en fait, on s'aperçoit que... En fait, on ne voit jamais le soleil, on voit juste une lumière. Et le flic, il est reconnaissable parce qu'il a il a toujours sa casquette bleue. Il a une casquette bleue comme les gyrophares de la police, par exemple, ça peut être lié à ça. Mais il clignote pas, il n'y a rien qui clignote. C'est Père Noël ou quoi ? Ça serait pratique. Parce que là, ça part en sucette. Il serait pas la dégaine du mec pour enquêter discrètement. Et il y a alors. Ça sera respectable comme effet. Par exemple, il n'y a pas du tout de véhicule. On n'a pas du tout en fait, les gens qui sont dehors, donc le peuple. C'est l'ambiance qui est un peu désaturée, maussade, poussiéreuse, crasseuse. Et tout le monde a un fichu sur la tête de couleur écrue. Enfin, tout le monde est pareil. Et c'est que les riches qui ont des couleurs. En fait, on voit toujours les riches dans des intérieurs hyper spacieux. Donc c'était de l'époque, donc 13 années 70, avec des lignes... hyper arrondies, tout est rond. Et en fait, la lumière dans les... Donc, il y a l'électricité, bien sûr. La lumière, elle est blanche. La lumière est blanche. Et dehors, elle est pas verte, bien sûr. Mais elle est crasseuse, quoi. Elle est crasseuse. Et en fait, ça nous dénote bien. Ça nous dénote bien deux communautés. Deux communautés. Mmh. Et en fait, l'homme... aussi à une il y a vraiment un message, c'est que tu le disais tout à l'heure, on en a un petit peu parlé, oui. Walid, C'est que les appartements, ils étaient loués ou vendus. Enfin, il y a des tas de femmes. Ça fait, elles sont toutes habillées d'une couleur différente, comme pour dire, bah tiens, la rouge a fait ci, la bleue a fait ça. Enfin bref. Et donc il y a quand même un côté de la femme asservie, quoi. Il l'appelle le mobilier. C'est le mobilier, quoi. On loue l'appartement, on loue la femme. Exactement. Avec. Ils sont pas obligés de la garder en plus. Ils peuvent changer le mobilier. Voilà. Et donc, par exemple, il y a un jeu de matière, il y a un jeu de... par exemple, le flic, lui, il vit dans une espèce de cave avec des vieilles ampoules, enfin, c'est... Une vieille ampoule. Une vieille ampoule, c'est vrai. Il faut qu'il pédale pour l'alimenter, en plus. Ouais. Et donc, c'est vraiment des classes complètement... L'opposé. Oui, c'est ça, c'est l'opposé. Et donc, tout le monde se bat pour aller chercher le soleil vert, donc cette... Cette bouffe. Et donc, j'ai pas envie de spoiler en même temps, mais j'ai envie de dire plein de choses. Ça fait 40 ans, mais... Voilà. Il manque de nourriture, ouais. Et on va savoir pourquoi. Le film, il est même spoilé dans d'autres films, quand même. Dans Claude Atlas, il te le spoil. Dans plein d'autres films, il te le spoil. Hein, donc, bon. Et donc, voilà, je voulais ajouter, il y a des effets d'optique, des effets miroirs. Chez les riches, il y a le mitigeur, par exemple, pour l'eau, mais par contre on ne sait pas si ça va être chaud à droite ou froid à gauche, enfin voilà, il y a pas d'indication, c'est par la pratique, l'habitude, enfin voilà, les gens font des choses de manière complètement automatique. C'est un peu notre société d'aujourd'hui aussi, on sait plus dans la poubelle verte on va mettre quoi, qu'est-ce qu'on doit trier, qu'est-ce qu'on doit pas trier, enfin c'est aussi un film face au climat qui peut changer, le recyclage, enfin voilà, ça rejoint ton film aussi, faire du neuf avec du vieux, enfin ouais, c'est bon. C'est encore pour toi Julien celle-là. Et je crois qu'il n'y a pas de personne qui dirige, enfin si la personne qui dirige, c'est Soylent. Il y a une caste dirigeante. Non, il n'y a pas que Soylent, il y a une caste dirigeante, mais on la voit pas parce que c'est pas l'intérêt du film. Truc, quoi. Mm. Et donc voilà, j'avais noté. Alors quelque chose qui est, c'est aussi le thème de la mort dans ce film. Il y a quand les gens meurent, il y a quasiment pas de sentiments. Et en fait, c'est ça aussi dans les dystopies. Autant moi j'ai pleuré pour Lassie, autant les dystopies. Lassie, chien fidèle. Elle meurt. Non, mais il y a des choses émouvantes. Et en fait, on s'est. T'es en train de briser l'enfance de Julien. Tu me tues. Comment ça, Lassie est morte? En vrai, c'est ton copain le hérisson, c'est ça? C'est merde, Lassie. Non, mais voilà, il y a aucun. C'est froid, en fait. C'est hyper froid. Ouais, c'est du coup, c'est déshumanisé. Et soleil vert, c'est plus pour. Parce que le vert est froid et voilà, le jeu des couleurs est très très intéressant. C'est un appel qui se réveille. Donc en fait, il y a les couleurs, par exemple le jaune, dans ce film-là, ça symbolise l'énergie, donc le soja. Pour le coup, là dans ce film-là, c'est ça. Dehors, oui, bah, le soja. Bah, c'est le jaune et le bleu qui provoquent du vert, ce vert en fait. Mmh. Donc jaune, c'est la lumière, bien sûr, du soleil. Donc le jaune, c'est la lumière, les phares. Les phares des voitures sont jaunes. Et c'est aussi des codes, par exemple, quand on lit des polars, le vrai code polar, c'est jaune et noir, parce que c'est la voiture qui arrive noire avec les phares jaunes dans la nuit, quoi. C'est un peu ces symboles-là qu'on retrouve aussi dans la littérature. Le blanc, bah, c'est symbolisé par la lumière artificielle, qui est aussi, qui peut être toutes les couleurs lancées à grande vitesse. Il y a aussi, là ça je l'ai noté, mais il y a la couleur rouge, c'est associé au velours. Alors c'est vrai qu'on a une tendance à ressentir les matières dans le film, et rouge, velours, ça fait penser au théâtre. Et du coup, voilà, il y a c'est un peu, y a un peu de tout dans ce film. Enfin, il y a pas mal de codes. Enfin, de. Ouais, c'est vrai que dans l'appartement des riches, tout ce qui est représenté apparaît vraiment comme très soyeux ou très. Exactement. Confort, en fait. Mmh. C'est ça. Ouais. Ils ont des thés d'oreiller en satin, s'il te plaît. Ouais. Et drap aussi, je crois, du coup. Oui. Mmh. Les médecins, par exemple, ils sont habillés en jaune. Jaune pastel. Jaune et blanc, mais c'est le jaune pastel qui prédomine. Voilà. En tout cas, ce film, je croyais l'avoir vu quand j'étais plus jeune. En fait, j'avais vu qu'une partie. Je me souviens, j'avais vu qu'une seule partie. Et là, je l'ai vu vraiment pour la première fois. Enfin, c'est vraiment. Je dirais même pas que c'est une dystopie. C'est vraiment. Dépressif. Dépressif. Hein. Non. Non plus. Il y a plein de couleurs dans ce film. Ouais. Il y a plein de couleurs. C'est plein d'espoir. Non, c'est vrai que pour moi, c'est un film dépressif. Bah, le vert, l'espoir fait vivre. Ouais, ah, bah, c'est là, pour le coup. Non, mais sinon, il y a quand même des trucs chouettes où à un moment, l'inspecteur, le détective, là, il va piquer chez les riches de la vraie nourriture. Oui. Il va les ramener à son vieux pote qui est chez lui. Là. Oui. Il fait. Oh, mais je reconnais ça. C'est de la fraise. Ouais. Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est le seul moment où on voit manger quelqu'un, c'est le flic avec son pote, ouais. Ouais. Bah oui, sinon c'est que du Solent, c'est que des. Non, même pas, on les voit même pas le manger d'ailleurs le Solent. On le voit l'acheter ou en avoir, mais pas le manger vraiment. Mm. Et il y a pas de gosse dans ce film aussi. Il y a pas d'enfant. Non, c'est vrai. Moi, ça m'a fait vachement penser esthétiquement à Rollerball, qui était sorti à peu près dans les mêmes années, mais pareil, le truc des riches, c'est, ils avaient des appartements ouais, super grands, super luxueux, et la masse, ben, c'était la crasse en bas. Ça m'a fait vachement penser, je pense que les thématiques sont assez proches des deux films. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de gosse qu'il y a ce côté, justement, un peu noir, un peu dépressif. Il n'y a pas de gosses. Ouais, donc les gens ne s'amusent pas. Si, il y a des gosses, on en voit quelques-uns, mais c'est pas. C'est très anecdotique, en fait. C'est. L'impression que, voilà. Ouais, quelque c'est un côté c'est dépressif. C'est un symbole de vie, quoi. Bah, les gosses, oui, parce que c'est l'avenir. What is the secret of Soylent Green? New York City. In the year 2022, nothing runs anymore, nothing works, but the people are the same, and the people will do anything to get what they need. This is the police! What they need most is Soylent Green. The supply of Soylent Green has been exhausted. Detective Sergeant Thorne. He has a 2-year backlog of unsolved murders. Now he's on a case that must be solved. Saul Roth, Thorne's private library. Hey, Saul! A living book in a world without books. Have some pencils, courtesy of your next assignment. William R. Simonson. Simonson. He was the first to learn the secret of Soylent Green. They told me to say that they were sorry, but that you had become unreliable. Saul Roth was the next to know. How did we come to this? And he chose to die rather than reveal the secret of Soylent Green. What is the secret of Soylent Green? Why did you set up Simonson? I didn't. Cheryl. See your hands. Officially, she's furniture. She comes with the apartment. She belongs to the tenant. How many times you been in trouble with the police, Cheryl? Never. Can't hear you. Never. Captain Hatcher. First, he wanted this case solved. Simonson. What do you say? It was an assassination. Now, he just wants it closed. Who bought you? High and hot, and they want this case closed permanently. Their way. Now, you sign this. You sign it! Thorne refuses to close the Simonson case. Just do what you have to do. Where did you go with Simonson? He took me to church. Church? Bless me, Father, for I have sinned. It has been 6 months since my last confession. Charlton Heston, Edward G. Robinson, Chuck Connors, Lee Taylor Young, Brock Peters, Paula Kelly, and Joseph Cotton fight for survival and try to solve the most bizarre riddle ever to face mankind. The search for the secret of Soylent Green. You will find out why Soylent Green means life. You will find out why Soylent Green means death. We've got to stop him! What somehow is the it's secret of Soylent Listen, Green? Please! Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour pour Soleil Vert. Oui. Je pense. Moi, je connais pas, mais ça m'a donné envie de voir, en tout cas. Bah voilà. Prêté. Il n'y a pas de pédophilie dedans. Non, ah bah non, il n'y a pas de gosse. Hein. Il y a des animaux, au moins. Pas d'animaux. Il n'y a que des hommes. Enfin, que des hommes. Que des humains. Pas que des hommes. Même pas que des hommes. Non, il y a des femmes. Il y a des souris et des hommes. Il y a des femmes et des hommes. Il y a du mobilier féminin. Oui. Il y a une scène qui a choqué Loïc, c'est quoi, pour les années 70. Hein? Bah, quand l'inspecteur fait l'amour avec le mobilier, tu m'as dit. Oh, c'est pas ça qui m'a choqué le plus. Bah, directement, quand ils parlaient pas, ils ont un fait. Un mec s'est tapé un meuble. Ouais. Parce que les femmes dans les appartements, c'est le mobilier. C'est ah, bah, ah, d'accord. Voilà. Comme bah, le catalogue. Du coup, c'est le seul moment. Du coup, c'est le seul moment qui peut être l'espoir. C'est dommage qu'il n'y ait pas la vie. Au final, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas d'enfant, parce que franchement, pour voir ça... Coronavirus. Manger des Haribo, c'est beau la vie. Mais... Ouais. Des Corona Dragibus, ouais. Bien. Bon, du coup, le meilleur. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Parce que, du coup, moi, j'ai choisi Watchmen. Oh. Alors, c'est pas franchement la dystopie la plus évidente, mais enfin bon. Non. Merci de confirmer, pour une fois on est d'accord, c'est bien. On pourra le noter dans le calendrier, aujourd'hui on a été d'accord. Mais voilà, donc du coup, Watchmen, en plus comme un con, j'ai pas écrit de résumé, donc on va essayer de faire ça vite. Au début du film, il y a le comédien se fait tuer. Le comédien, c'est un super... héros. Non, c'est pas franchement un super héros, c'est un vigilant, parce qu'il n'est pas défini comme quelqu'un ayant des super pouvoirs. Un gardien. Il fait des trous dans les murs à coups de poing, il est quand même vachement costaud, mais il n'est pas défini vraiment comme super héros. Donc il se fait tuer, on se demande par qui, pourquoi, etc. Et du coup, ses copains super-héros vont mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé et va les emmener à quelque chose d'un peu plus problématique. À des conflits moraux. Voilà. Ça fait bien de citer conflits moraux dans ce genre de film, parce que franchement... Donc, voilà. Ah d'accord. Ah, c'est pas mal comme résumé, j'ai rien spoilé. J'ai pas dit qu'à la fin, il pète tout. voilà, donc pourquoi moi j'ai choisi celui-là, ben j'avais envie de le revoir en fait. J'avais écouté des émissions dessus, je me suis dit tiens, je laisserai bien une seconde chance à Watchmen. La première vision j'avais bien aimé, mais j'étais un peu surpris. Ensuite j'ai lu le livre, j'ai plus tellement aimé le film, mais là j'ai revu le film et bon. Visuellement ça ressemble beaucoup aux comics. Les phrases sont quasiment les mêmes aussi, les plans sont les mêmes, et pourtant ils passent complètement à côté de la thématique du comics. Là on est sur un truc qui est pas réac, mais presque. Et le personnage le plus détestable du comics, Rorschach, qui est plus ou moins le héros en plus du film. J'ai avalé mon dragibus de votre C'est même pas classique ou quoi, c'est juste j'ai avalé mon dragibus de travers. Ouais, donc du coup, j'ai le personnage vraiment le plus détestable, et ici mis en avant comme le personnage le plus clairvoyant, et peut-être pas le plus sympathique, mais le plus lucide et le plus correct. Ce qui est quand même assez problématique. Après, c'est une adaptation. Je vais défendre parce que j'aime bien ce film-là. C'est une adaptation de Jack Snyder. Peut-être lui pour lui, parce que dans une BD, peut-être c'est son point de vue à lui. Ah bah c'est pas le même point de vue qu'Alan Moore, ça clairement, ils ont pas le même. Mais en soi, le film m'a pas dérangé, ça j'aime bien le revoir, je trouve ça assez agréable à voir. Visuellement, c'est beau, ça pète de partout. Les musiques sont chouettes. Le générique avec le Times Are Changing de Bob Dylan est vraiment excellent. Ça traduit bien ce qui s'est passé les 30 années avant et tout ça, mais... Ouais, il est passé à côté de l'adaptation pure et dure, on va dire. Autant 300, il était bien dans la même thématique. Mais là, sur Watchmen... Après, le film reste agréable à regarder, mais c'est vrai que... Il laisse un petit arrière-goût bizarre. Non, Julien, c'est pas ce que tu penses. C'est juste un film qui te... fait passer la pilule d'un génocide, ça reste quand même assez étonnant. On te fait passer pour qui, là Toi ? Tu te fais passer tout seul pour un pervers, hein. Je sais pas si quand je parle de goût bizarre, tu m'as regardé étrangement. Non, je te regarde, c'est tout. Oui, bah. Comme t'es étrange, bah, je te regarde étrangement. Ouais, bien sûr. Donc voilà, par contre, visuellement, ouais, ça marche toujours. Il a sa patte. Ça, bon, ça on voit que c'est un film de Zack Snyder. Oui. On le voit plus que dans Batman vs Superman. Et par contre, pour moi, il y a aussi un problème, c'est que les personnages sont pas... C'est des super-héros, mais ils sont pathétiques. Les acteurs, je sais pas si c'est voulu, mais ils sont mous, quoi. À part justement Rorschach, la Jackie Earl, Alec, qui lui joue vraiment très bien. Les autres, ils sont mous du fion, c'est pas possible, quoi. Sinon, j'avais une question. La thématique du mois, c'était... Dystopie. Du coup. Ah ouais, ok. Du coup, c'était quoi la dystopie? La dystopie, je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a pas de super-héros chez nous, en vrai. Oui, alors. Et donc, à un moment, eux, dans cette histoire-là, je crois que c'est dans les années 50 que les super-héros ont été autorisés. Mm-hmm. Et c'est là que leur utopie commence, et tourne bien en 85. Mm-hmm. Et là, la dystopie. Pas du tout. Bah, non, je suis pas sûr. Menteur. C'est une uchronie, si tu veux. Bon. C'est un film de super-héros, c'est pas du tout. C'est pas un film de super-héros, justement, parce qu'il y a. Menteur. Non, moi je dis menteur, je suis comme... Oh, vous me cassez les couilles, de toute façon. Il a dit moteur. Complètement passé à côté de la thématique du mois. Hors sujet, là. Ok, hors sujet, on va les couilles. Sujet. Ok. Bah non, oh, bah, du coup, bah, c'est la porte ouverte. Allez, à la fin, la dystopie. Allons-y, quoi. Déjà, on va y aller, hein. De toute façon, le mois prochain, c'est quoi, déjà? C'est la boîte. L'année de naissance, donc tu peux prendre ce que tu veux, c'est ton année de naissance. Ah, bah voilà, on va changer d'année. Bah, il y en a déjà qui ont un peu modifié pour pas donner leur âge, hein, je suis désolé. Bon, vous avez fini de me casser les couilles? Non, mais franchement. C'était ça, ouais. Mais le mec, comme s'il a dit, moi j'avais envie de revoir ce film, donc j'ai choisi ce film. Ok. Ouais, alors, L'aile ou la cuisse, dystopie, avec Louis de Funès. Ah, ça pourrait passer. Manger le solilès. L'aile ou la cuisse, ça pourrait passer, allez. Mais c'est à la fin que ça fait dystopie. Bah oui. C'est voilà. Dystopie. Oui, d'accord. C'est une dystopie tout le long du film, en fait. C'est juste que c'est pas une dystopie future, mais une dystopie passée. Voilà. Parce que le film se passe en 85. Non, mais cherche pas, c'est comme trop Mario. Compliqué. Non, bah c'est juste. Ouais, comme Mario, voilà. Putain, on aurait dû prendre Mario aussi. Comme dystopie, ça aurait été beau ça. Ah, oui. C'était une dystopie. C'est une dystopie, Mario, c'est une dystopie. Tout est dystopique en fait. Et ta sœur, elle est dystopique. Je sais pas, je la connais pas encore. La République en marche, c'est une dystopie. Oh, putain, on va encore s'attirer des problèmes. Ouais. Enfin, bref, moi je trouvais que c'était un peu dystopique quand même. C'est toi qui es dystopique. Oui, ouais, aussi. De toute façon, c'est quand ça, tu parles, c'est très dystopique quand tu parles. Non, ça, c'est dyslexique. Non, ça, c'est Wally. Dyslexique. De toute façon, j'avais le choix entre ça ou American Nightmare au départ. Donc, bon. C'est dystopique. C'est ça qu'on pourrait recommander. Mais je l'ai trouvé assez peu intéressante, American Nightmare, au final. L'idée est bien, le film. Bah, j'ai plus endormi. Non, je voulais parler du deuxième, moi, principalement. Mais, non, mais t'étais relou. J'avais déjà commencé à regarder les films. Il dit, ah bah tiens, j'ai changé. Ah, moi aussi, j'ai vu les films. Je trouve qu'ils sont chouettes d'ailleurs. Ouais, mais c'est dur pour moi de regarder un film. C'est une corvée. Qu'est-ce que je fous ici? T'as bien fait de venir. Donc, bref, qui d'autre l'a vu du coup, Watchmen? Bah, par les deux casse-couilles, là, forcément qu'ils l'ont vu. Moi, je l'ai vu aussi. Non, même sans avoir vu la BD. Du coup, j'ai pas de comparaison. Je me souviens que c'était beau. C'était beau, c'était bien. Oui, l'esthétique était belle. Et que j'étais moins fait chier devant 300, que j'avais détesté. J'avais j'ai dû mettre 4 fois à finir le 300. Attends. Il y a des mecs en slip, torse nu. Ça t'a pas branché. Non. Justement, tu vois. C'est à cause du slip. Ou de la cape. Ou c'est Gérard Butler. C'est Gérard Butler. Non, tout était forcé dans la testostérone, dans les voix, dans les. Le vrai porno gay. Pourquoi t'as pas aimé? Pas d'enfant. On n'a pas les mêmes goûts. Il n'y avait pas d'enfant, c'est peut-être ça. On ne partage pas ça en commun. Moi j'ai bien aimé le côté stylisé, moi, de 300 ans. Dans tous les films, il n'y a pas d'enfant en fait. Tous nos films là. Si, dans les merveilles, quoi. Il y en a 7 et c'est des sœurs. Non, mais elles sont pas enfants. Au début, si. Non, mais si, après, par exemple, il y a une femme qui a 2 enfants. Et pourtant, les enfants, ils ont quoi, 7-8 ans? Bah, y a quand même un des deux enfants qui se fait embarquer pour être cryogénisé. Dans le Brésil, il y a des monstres avec des têtes d'enfants. Oui. Ah, donc voilà. Oui. D'accord. Il y a des enfants aussi dans les fonds. Si, oui, il y a des enfants. Il y en a une qui se fait déglinguer. Ouais. Enfin, déglinguer, pas dans le sens... Enfin, dans le sens, elle prend une balle. Balle dans le dos, voilà. Paix à son âme. Ah, oui. Puis des gamins qui se font embarquer dans l'hôpital. Oui, aussi. Ben voilà, sinon toi, Julien, Watchmen. J'ai pas vu. Pas vu, pas pris. Ça, pas pris, c'est pas souvent. Pas vu, pas vu, quoi. Donc personne n'a rien à rajouter sur Watchmen. Moi j'aime bien. Moi je vais regarder, je pense. C'est sur Netflix, ça. Sur Netflix, sans doute, oui. Ouais. Il est sur Amazon Prime. J'imagine que le moment est venu. Cette nuit. Quelqu'un sait pourquoi. Quelqu'un sait. J'ai cru comprendre qu'il travaillait pour le gouvernement. C'est peut-être un meurtre politique. Ou quelqu'un qui prend les héros costumés pour cible. Selon John, il va y avoir une guerre nucléaire. C'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer. Pour nous empêcher d'intervenir. Attaquer l'un des nôtres revient à nous attaquer tous. Les Watchmen sont finis. Quelle solution tu proposes ? Le châtiment. Nous pouvons sauver ce monde. Sauverai-je un monde auquel plus rien ne me rattache. Fais-le pour moi. Bon, en tout cas, on va reprendre après cette... mais trop de créativité, ça tue la créativité. Alors, on va parler de Gattaca. Donc, qui l'a vu ? Bienvenue à Gattaca. Bah oui. Oui. Bon, alors, et qui l'a aimé ? Moi. Moi. Moi, j'ai bien aimé aussi. Bon, bref. Alors, vas-y, Raph. Une fois que t'aimes quelque chose, dis-le. Bah, c'est peut-être, pour le coup, mon film dystopique, on a bien aimé dire. Aussi préféré, je trouve. Bah c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ils prennent le temps pour le coup de mettre l'univers, c'est pas un film d'action, c'est un vrai film de réflexion sur l'eugénisme, sur l'uniformisation, sur même un peu le, comment dirais-je, la marchandisation, un peu l'être humain à sa place. Enfin, c'est un film d'atmosphère, et qui fonctionne très bien, avec un super casting, qui déjà il y a... Et Ethan Hawke, Et très sympa, le pitch, tu en as pas besoin de le faire. Non, on l'a déjà fait. Voilà, moi j'adore, ouais, c'est un film à conseiller. Je voulais pas prendre celui-là, c'est celui que j'aurais pris, je pense, mais je le pensais trop connu. Mais sinon, je pense que c'est mon film préféré du genre. Et à la place, nous a pendu Brésil. Mais qui est génial. Non, mais la raison, Brésil, c'est aussi un classique que tout le monde a entendu parler. Et peu de gens connaissent, donc c'est devenu un catacasse plus. Bip. Bravo, Julien. On a de la chance d'être d'astreinte. Et donc toi, Walid ? Pareil, c'est entre Seven Sisters et Gattaca, on voit la différence de prendre son temps, pas de scène d'action, et on comprend bien l'histoire. Ouais, c'est pas un film d'action, oui, clairement. Oui, voilà, non, mais c'est ça qu'il fallait faire dans les Seven Sisters, quoi. Fallait, il y a plein de petits détails qui sont mis en place et qui font qu'on se dit « Oh putain, il a pensé à faire ça !» Et voilà. Mm-hmm. D'accord. Pardon, non, moi je l'ai pas vu. Bon bah voilà. C'est typiquement des films qui critiquent des aspects de notre société. Donc c'est des films qui critiquent assez intelligemment. Voilà. Oui, voilà. Donc c'est des films qui posent à la réflexion. Forcément. Où tu réfléchis après de voir le film, voilà. Tu dis... voilà. Bien. Ok. Alors on va faire les recos de films dystopiques, puisque Raph disait qu'il y en avait plein à recommander. Alors, bah oui, il y en a plein. Par le classique, par Matrix, exemple le plus connu. Oui, voilà. Matrix, Equilibrium, The Island. J'ai pensé plus à The Island, c'est tellement con. Après, la première partie est géniale, c'est après ça finit en Michael Bay, donc ça part en C'est un film de Michael Bay. C'est marrant, moi je préfère la deuxième partie. Bah, alors, non, non, je rigole, c'est mais pas... La première partie était pas mal. Ouais, la première partie est pas mal, et puis tu t'attends pas à ce twist, ou de dire... Tu te sens toujours que dans tous ces films-là, il y a un truc qui cloche, tu ne sais pas quoi. Pas le twist tout de suite, quand... comme les gens là, le truc qui cloche est bien, enfin moi j'ai pas vu venir, c'est vraiment cool. C'est après, bon, ça part en film d'action, c'est Michael Bay, le truc explose, c'est Michael Bay, bon. Mais il est bien. Pas trop aimé Equilibrium non plus, j'ai pas beaucoup aimé. Là, c'est... Ça va. Oui, c'est ça va, Matrix C'est un sous-Matrix, quoi. Bon, ça passe. Julien, t'as des recommandations, toi? Dans ce genre de film? Putain. La tête qui vient de faire, ça sent bien. Comme ça, des recos, là, non, y'a rien qui me vient. Y'a Akira. Akira, oui, effectivement. American Nightmare aussi. Ouais. Bah, American Nightmare, oui, je comprends. Mad Max, c'est vraiment un truc. Mad Max, ouais, oui, le 2, surtout le 2, ouais, Mad Max, mais. Transpersonnage. Transpersonnage, oui, effectivement. Les tuches. Les tuches 3. Je crois qu'on devient président, c'est bon. C'est une dystopie, ça aurait pu marcher. La culture. J'ai vu la culture à Julien. Ouais, sinon, effectivement, American Nightmare, ça marche bien comme dystopie aussi. Et je trouve surtout le 2, parce que le deuxième, c'est plus un huis clos quand même. Le premier, c'est un huis clos, il n'y a pas. On nous parle d'un univers, mais on ne nous met pas en place. Ouais, on ne nous met pas en place. Alors que le 2, par contre, il se passe dans la rue, et là tu vois bien le truc. Et Total Recall, je ne voulais pas être du stupide. Bref, c'est pas moi, j'aurais dit science-fiction, mais on est sur une ligne assez fine avec la dystopie. Parce que sur Mars, c'est là qui. Je sais pas. Ah ouais, non, ça aurait peut-être pu passer. Moi, je suis pas. Je crois pas, c'est pas forcément une société comme mal. Tourner, c'est la suite. Ah, ce qui se passe sur Mars, ouais, c'est une société qui tourne mal dès le départ. Demolition Man. Demolition Man, super, oh, ben oui. J'aurais dû parler de Demolition Man. Demolition Man, génial, Robocop. On l'a fait, je vais parler de Demolition Man. Et je crois qu'on en a déjà parlé, je suis pas sûr, de cette vieille série qui est pourtant très bien, qui s'appelle Sliders. Ah oui, très bien. Et là, c'est que ça. T'as une mine de dystopie. Surtout les deux premières saisons, je crois. Après, ça part en couille. À la troisième saison, c'est pas terrible. C'est n'importe quoi. Alors, ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de scientifiques qui arrivent à créer un vortex qui amène dans des réalités parallèles, et en fait à chaque épisode on suit le groupe de héros qui débarquent dans une, ils cherchent à revenir dans leur réalité mais c'est jamais la bonne. Alors des fois c'est évident et des fois c'est au bout de quelques minutes, enfin ils croient être rentrés chez eux, puis après tu dis ah non c'est pas chez eux. Il y a de tout et n'importe quoi, il y a des, mais c'est ça, en même temps ça critique pas mal la société. T'as par exemple le classique « Et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale ?» Ah, c'est énorme. Je dirais. Et si... si les femmes étaient au pouvoir. C'est ce que j'allais dire, la société matriarcale. Ça va pas, non. Ouais, c'est le bordel. Si on n'avait jamais un... Gros bordel. Ouais, science-fiction, ça. Si on n'avait jamais inventé le feu, qu'on était resté à l'âge préhistorique, ce genre de truc, il y a toutes sortes de possibilités. Ouais, grave. Et c'est très très cool. C'était Marocco, mais c'est pas très, très c'était un Marocco, bah, c'est pas grave. Bah, c'est une super Marocco, bah vas-y, je te laisse finir. C'est une super Marocco, en tout cas. C'était une très très bonne série. Qui se trouve, peut se trouver un peu sur internet. Oui, voilà. Et surtout les deux premières saisons. Ah oui, après c'est pas. Je sais plus, c'est un truc avec des extraterrestres. Non, je sais plus. Ils ont changé. Ça part en live. Ils ont changé d'équipe. Ils changent d'équipe à un moment donné. Le showrunner aussi, qui est parti, ils ont viré. Fringe, ouais, je sais pas si ce sera une dystopie, Fringe. Oh, vraiment. On a Black Mirror. Oui. Black Mirror. Ouais. Black Mirror. Black Mirror ou Miroir Noir, mais Black Mirror, là, ça passe pas. Black Mirror, on a compris, Black Mirror. C'est une dystopique. Bah, moi, ma reco, un peu lié à ça, c'est par rapport aux dérives des nouvelles technologies qui sont exploitées dans Black Mirror. Ce serait recommandé Tetsuya Tsutsui, très, très difficile à dire, qui est un mangaka, qui est édité dans les éditions Kiyun en France, et qui fait souvent du one-shot. Ses deux premiers mangas, il y a un seul tome, après il y en a un en trois, et les deux autres en trois. C'est pas long, c'est deux. C'est une très courte série, en fait, des très courtes séries, c'est pas des mangas sur 30 tomes, ça peut être un peu décourageant des fois. Donc c'est manga pour adultes, et donc c'est surtout au niveau des nouvelles technologies, ça va être un jeu vidéo qui tue, ça va être... Bah, il y a eu beaucoup de succès ces dernières années avec Prophecy, qui a fait pas mal de bruit dans le milieu. Ils ont fait un film, non, de celui-là, ça me dit quelque chose, Prophecy. Je j'ai pas connaissance. Et où c'est un mec qui masqué qui annonce ses prochains meurtres sur les réseaux sociaux, en fait. C'est un peu, voilà. C'est un peu le Zodiac, le Switch, quoi. Enfin, si on veut ça, c'est, ouais, ça correspond un peu... ça correspond, hein, si on, si en quelque sorte, à un peu dystopie, plutôt au dire une nouvelle technologie, mais c'est très cool. Okay. Il y a un film très récent, j'ai adoré, c'est Ready Player One. D'accord. Ah, c'est hommage au... Spielberg. Ouais, ouais, ça qui était cool. Ça, c'était pas vu, moi. Ouais, il est sympa. Ah, il est super. Je le prêterai. Du coup, sur ce que tu disais avant. C'est un peu dystopique. Ah, bah, c'est carrément. C'est carrément. C'est juste même carrément, en fait. C'est carrément. Ouais, j'aurais pas pensé. Que j'aurais pas être classé dedans parce qu'il est... il englobe tout le notre univers. Si, c'est dans le chaos de 2045 par là. Oui, non, mais t'as raison. Tout le monde se sont réfugiés dans le virtuel. T'as complètement raison, mais comme c'est un peu un. Une raison comme de placer tous les trucs qu'on a un doudou pour les années 80. Voilà. C'est vrai qu'il est très cool. Ok. Donc Héloïse, t'avais des recos, toi? Roco. Il l'avait pas encore fait, il l'avait pas encore fait, on peut pas dire si, le jour tout de suite. Si, il l'avait déjà fait tout à l'heure, il l'a préparé. Non, c'est pas moi, c'est Olivier. C'est moi qui l'ai fait tout à l'heure. Tu lui as pré-mâché le travail. Bah oui. Alors, la Roco Siffredi. Pour la dystopie, c'est un livre de Bernard Weber qui s'appelle Paradis sur mesure. C'est un recueil de nouvelles où dedans on a tout ce qui est passé et futur probable. Pour vous donner une idée, il doit y avoir au moins une dizaine de nouvelles là-dedans. Pour vous donner une idée, la première elle s'appelle « Et l'on pendra tous les pollueurs ». Donc du coup, pareil, c'est... société ou interdiction d'avoir, d'avoir. Les voitures sont à pédale. Voitures sont. Bien, à... les voitures sont à pédale. Les voitures ou les pédales? Pas les pédales. Voiture à pédale, pas le droit de manger de viande, pas le droit de fumer. Ça, c'est Demolition Man. Ouais. Tout ce qui, tout ce qui peut attaquer l'air, en fait, interdit. Et. Bah du coup, toutes les personnes qui enfreignent ces règles sont pendues dans les arbres des parcs à l'extérieur. Ah, c'est sympa. Du coup, ils étalent le décor comme des arbres fruitiers un peu étranges. Ouais, on peut dire ça. Les arbres à saucisses sont plus gros. Ouais, voilà. Ils nous décrivent très bien la décomposition avec les moumouches à côté et tout ça. Mmh. Enfin, c'était chouette. Sympa, hein. Non, mais il y en a d'autres qui sont chouettes, parce qu'en fait... Non, mais il y a des trucs beaucoup plus... pas utopiques, mais... Dystopiques ? Optimistes. Ah, pardon. Ah. On n'avait pas l'habitude aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bah, la dystopie, c'est vraiment joyeux, mais c'est pas le but. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si c'était joyeux. En fait, tout peut être dystopie et tout peut être utopie, au final. Il n'y a que deux genres. C'est pas... L'action peut être dystopique, tout peut être... Ouais. Il n'y a que des films dystopiques ou utopiques au final, puisque c'est des chutes. Ouais, non, c'est plutôt des. C'est quand même des mondes. Bah, la science-fiction, ça peut être utopique ou dystopique, même si c'est de la science-fiction. C'est pas forcément. Non, tout peut être dystopique, mais tout n'est pas dystopique. Oui. Non, c'est dystopique ou utopique. Non, pas forcément. Mais... Non, mais regarde, Star Wars, c'est pas une dystopie, c'est un monde créé, c'est un univers, c'est la science-fiction. Oui, mais là, c'est une série. Il y a jamais de. Enfin, je sais pas combien. J'en ai vu aucun, mais il y en a neuf. Non, mais c'est peut-être même pas fini. Il y en a 7. Il y en a 3. Il y a que quand c'est fini où tu peux dire que c'est une utopie ou une dystopie. Non, parce que c'est pas rapport. À la fin, en quoi une dystopie peut bien se finir pour le héros ou mal se finir, c'est pas une question de la pienne ou quoi. Non, c'est une question de la société en fait. Voilà, c'est la société qui tourne mal dans une dystopie surtout. Star Wars, il y a une dictature. Il y a une dictature comme Star Wars, mais bon, c'est pas le. C'est plus un monde en guerre en fait. Oui, voilà. Oui, mais il y a vraiment une différence entre le côté série, le côté qui termine pas, parce que par exemple, Walking Dead, c'est pas encore fini, mais. La BD est finie. Non, mais, oui, c'est vrai. Et du coup, quand t'as pas la fin, tu peux. Fin, bah, mais c'est pas lié à la fin, en fait, c'est lié à l'univers. Oui, voilà. Ouais, c'est l'univers, la dystopie, c'est pas l'histoire en elle-même, non, c'est l'univers des pains. C'est lié à la liberté de l'individu, de l'expression, au contrôle des machines, à la pensée de l'être humain aussi. À l'administration, à la marchandisation, à ces grandes thématiques-là, en fait, à la robotique, bien sûr. films de robotique tirés d'Asimov sont souvent dystopiques, justement. Les temps modernes, genre par exemple, bah, les temps modernes de Chaplin, on pourrait croire. Après, ça peut... c'est vrai qu'on voit les scènes dans les usines, où... mais en fait, c'était réel en même temps. Donc ouais, puis la scène dans les usines, c'est quand même un quart d'heure de film. C'est dystopique, cette scène. Ouais. Mais en effet, c'est une scène dystopique. Si tout le monde entier était comme ça... Là, ce serait si le monde de l'usine était la planète entière, ouais. Oui, ce sont des scénarios. C'est le... Oui. C'est souvent l'homme utilisé comme une machine, d'ailleurs. On en fait souvent ça, en fait. Bon, du coup, on va laisser Loïs terminer. Oui. Elle a recommencé à lire son livre. Non, mais du coup, il n'y a pas que des trucs morbides comme ça. On a aussi des histoires qui sont d'un point de vue inattendu. Par exemple, là, on a un début d'histoire où il nous raconte qu'il y a une civilisation de géants qui existait, qui ont construit des choses absolument énormes, mais qui au final se sont eux-mêmes autodétruits. Et en fait, là, c'est une fourmi qui nous parle, qui nous raconte l'histoire de l'homme, en fait. Ouais. C'est pareil, à un moment, on a, du coup, dans la nouvelle qui porte le même titre que le livre Paradis sur mesure, on a une histoire qui est racontée d'une personne qui atteint la gloire, et qui après en fait va être vendu parce que terminé pour elle, en fait c'était l'histoire de du point de vue d'un lapin d'un magicien. D'accord. Et du coup, pour le côté beaucoup plus dystopie, on a une nouvelle qui s'appelle Demain les femmes. Science-fiction encore, ou hérésie plutôt. Hérésie. Hein. Demain les femmes. D'accord. Où on a l'humanité entière qui est menacée et quelqu'un a trouvé le moyen de faire revivre les femmes avec sous forme d'œufs, en fait. Elles vont éclore et puis après ça va la poule et tout. Ouais, voilà, le fou la poule. Et la nature va complètement reprendre ses droits sur Paris. Ils vont décrire les Champs-Élysées plein de verdure et tout ça, et les femmes de partout. Parce qu'il y avait plus de femmes, en fait. En fait, à la base il y avait hommes et femmes comme actuellement. Mmh. Et ils ont trouvé un moyen de faire en sorte que les femmes puissent avoir des enfants sans les hommes. D'accord. Et du coup, au final, c'est un monde qui a été peuplé que de femmes. Que de femmes. Qui naissent dans des œufs. C'est ça. Ok. Comme ça fait très décousu, j'admets. Mais il est super intéressant, ce bouquin, en fait. Il y a plein de trucs différents. Il y a, comme je disais, le futur possible, le passé possible, qu'il soit beau ou mauvais. Et surprenant, parfois, d'ailleurs. Très surprenant, même. Mais du coup, ils ont fait quoi? Ils en font quoi, des gamins qui naissent? Mecs? Mais les mecs, ils sont pas là. Il y a plus. Du coup, ceux qui naissent, c'est que des femmes. Putain, on a perdu Julien. Ah non, mais on sait jamais. Ouais. S'il y a un petit mec qui pousse, impossible. Ou... Par hasard. Impossible. Impossible. C'est une question de science, tout ça. Et si, après, elle change de sexe pendant la... Pas. Comme dans Jurassic Park. Bah, ou s'il faut une opération pour changer de sexe. Bah oui. Mais non, parce que en fait, dans cette nouvelle-là, elle pense que les hommes sont des légendes, que ça a jamais existé. Tu te rends compte, Julien, tu deviendrais une légende. Je suis une légende. C'est le seul moyen pour toi d'en devenir une. Bah, c'est vraiment en termes de littérature. Je pensais aussi au Maître du Haut Château de Philippe K. Dick. Tu connais pas. Où en fait ça se passe dans un passé. Donc c'est pas vraiment une dystopie, c'est ça. On s'en fout parce que c'est pas vraiment notre réalité. Où les nazis en fait auraient gagné la Seconde Guerre mondiale, et un mec qui vit aux États-Unis qui est complètement sous domination, je crois que c'est japonaise du coup. Il trouve un livre qui raconte l'histoire telle qu'elle s'est déroulée pour nous, en fait. Donc en plus de la dystopie, on a une mise en abîme dans celui-là qui est assez... Ah, c'est une dystopie quand même, mais avec la mise en abîme en plus. Tu fais chier. C'est trop compliqué pour toi. Oui, là, je sature. À expliquer en trois mots, ouais, c'est pas évident. Par contre, à lire, c'est vachement bien. Bah, c'est ça, on est d'accord. Avec les bouquins, c'est compliqué à expliquer en trois mots. Voilà, surtout sans avoir pris de notes à côté de moi. Voilà. Ouais, du coup, moi, pour les recommandations, je pensais à des jeux vidéo, particulièrement à la série des Chocs, System Shock et BioShock. Et surtout, à mon goût, le premier BioShock qui est meilleur que les autres. Okay, en plus, il était gratuit, là, sur... Sur... pas gratuit. C'est de l'abonnement PS4, le mois dernier. Ah oui, d'accord, ok, il était l'abonnement PS Store. Le premier BioShock, en fait, ça vous le met dans la peau d'un type qui se crache en plein milieu de l'Atlantique, juste devant un phare, Et ce phare, quand il rentre dedans, l'emmène vers une cité qui est perdue au fond de l'océan, où tout... Comment dire ? Tout aurait dû aller pour le mieux, parce qu'elle était gérée par des savants, des scientifiques, sans doctrine politique, sans doctrine religieuse, et où tout est parti en couille, puissance 10 000, et où ça se termine à coup de clé à molette dans la gueule. Voilà, il faut un peu de finesse quand même. Il y a un très bon twist en milieu de jeu que j'ai pas envie de révéler, mais par contre, l'univers et l'ambiance vont vraiment son pesant de cacahuètes. Au moins pour le premier. Le deuxième est un peu plus répétitif et... Le 3, je sais pas. Infinite, ça part trop dans les mondes parallèles et tout ça. Et vraiment, là, ça... Moi, j'aime moins. Voilà. Si quelqu'un d'autre jeu ou vidéo à recommander, allez-y. Hein. Non, mais... J'ai réfléchi, je n'en ai pas trouvé en... cet univers-là. Les Bioshock, ça me paraissait bien. Après, il y a I Have No Mouse, But I Must Scream. Mais c'est plus vieux, qui est un point and click assez vieux. Non, je connais pas. Non. Bon voilà. En tout cas, déjà Bioshock, ça peut occuper un certain temps. Bien, bien, bien. Bon, bah merci à tous. Et puis, bah alors à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Salut. Restez en vie. Non, je déconne. C'est Raphaël qui vous a parlé. On s'en fout en fait. C'était un message de Raphaël. Ah, bah c'était un plaisir, hein, écoutez. Comment est-ce qu'il dit ça?